Je m'enfonce dans les plaines, des ballons pris dans le chêne. Des mains sur mon torse me retiennent, leurs ongles me lacèrent, je saigne. Le soleil au zénith me domine, herbe brûlée, ma prochaine victime. La lumière, la chaleur dans l'abîme, où la mort sublime s'exprime. Toi le fleuve, prends ma main, laisse-moi te toucher, ne faire qu'un. Toi le fleuve, prends ma main, laisse-moi te toucher, ne faire qu'un. Seule la pluie pourrait me sauver, sentir les gouttes sur ma peau perlée. Un sursis âprement gagné, allongé seul, se battre ou crever. Toi le fleuve, prends ma main, laisse-moi te toucher, ne faire qu'un. Laisse-moi te toucher, ne faire qu'un. Mon âme si lourde en souffrance, envoûtée, dénuée d'espérance. Envolée, je la sens, la violence, le suicide, écrit sur ordonnance. Laisse-moi te toucher, ne faire qu'un. Te confier ma vie, mon destin, vivre ou mourir, être serein. Un défi, une épreuve, chargeur et balle neuf. Je remonte le fil de ce fleuve, une sombre où les hyènes s'abreuvent. Zéricailleuse, un défi, une épreuve, chargeur et balle neuf. Chargeur et balle neuf. auréole. Tu jouais avec eux, ça ne te dérangeait pas. Et leur couleur de peau, tu la voyais même pas. Maintenant que tu es grand, sois-lisant bien pensant. Tu penses que la France est toujours une base blanche. Mais tu rases les murs quand tu croises vers eux. Les gens ne sont pas français, qui retournent chez eux. Notre planète faisant fi de la finance. apposé les pieds sur la terre des hommes. Finalement n'est pas si moche que ça, mais avec du bon sens et de la volonté, elle pourra nous donner tout ce que nous lui prenons, c'est sûr. Cerveau, ramène-moi à ma seule réalité. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Le vendredi soir à partir de 19h, vous le savez maintenant, c'est l'émission Mavrika. Il y a eu un petit changement d'horaire, effectivement. Avant, les émissions commençaient beaucoup plus tard, c'était 20h30. Et depuis la pandémie, hein, le Covid, eh ben ça a changé. Maintenant, c'est 3h, c'est de 19h à 22h. Alors, habituellement, nous recevons des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et on a commencé depuis quelques semaines. D'ailleurs, l'artiste qu'on vient d'écouter à l'instant s'appelle Jimo. Il nous interprétait un morceau qui s'appelle Bad Trip et il est venu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Juste avant, c'était Turn Off avec les valeurs de l'enfance. Eux aussi sont venus il n'y a pas très très très longtemps. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à les recevoir ici, à découvrir ce groupe que j'avais vu en concert. Et encore avant, on a débuté cette émission avec un morceau qui s'appelle Le Fleuve et c'est interprété par Max De Giovanni qui était venu il y a quelques temps. Il avait fait l'effort de venir de Bayonne jusqu'à Orléans pour nous faire une émission spéciale. Donc Max, eh ben, on a diffusé encore un de tes morceaux de ton superbe album. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous avons des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un groupe qui est déjà venu une première fois. Voilà, vous commencez à réfléchir un petit peu. Alors si vous avez été sur Facebook, bien entendu vous savez déjà. Pour les autres, eh ben, on va faire durer un peu plus le suspense. Alors ce soir, on a un petit problème ici dans les studios, on peut pas communiquer directement par internet, donc ça va être un petit peu compliqué. Je vous mettrai la liste du programme de tous les morceaux qu'on a diffusés dans l'émission une fois arrivé chez moi, parce que d'ici ça marche pas, ou alors il faudrait que je fasse avec mon téléphone, mais c'est plutôt embêtant. Donc vous inquiétez pas, mais on va quand même faire une bonne émission. Sur la FM, vous pouvez nous capter sur le 96.2 MHz et vous pouvez aussi nous recevoir dans le monde entier grâce à internet. Vous allez sur le site radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, partout dans le monde vous pouvez nous entendre en stéréo et tout ça. On va revenir un petit peu au groupe que nous allons recevoir ce soir. La dernière fois que nous avons reçu un artiste ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, c'était Alex Debaï. Donc on avait passé un très bon moment et là on est content de recevoir avec nous ce soir pour cette émission. Alors attention, c'est une émission spéciale, hein. C'est la 510e émission et c'est aussi aujourd'hui les 12 ans de l'émission Mavrika. Voilà, donc on va fêter tout ça ensemble et le groupe qui est avec nous ce soir pour fêter ça, là, c'est le groupe Odéon. Ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils nous ont sorti un album, un EP, on va dire ça comme ça. C'est un album avec 5 titres et on va écouter donc cet album et ils ont aussi amené leurs instruments. Alors reste avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Salut, c'est Benoît. Salut, c'est David. On est La Jarry. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. Voilà dans les studios de Radio Arc-en-Ciel ce soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour cette émission numéro 510. C'est la dixième année, donc c'est l'anniversaire de l'émission Eureka. C'est la douzième année, hein, la douzième année. Donc ça fait 12 ans que nous faisons cette émission. Et donc ce soir, nous recevons le groupe Odéon. On va tout de suite discuter un petit peu avec eux. Et puis en même temps, on va en profiter pour régler un peu les micros, parce qu'on fait tout ça à l'arrache dans l'émission Eureka, comme vous en avez déjà l'habitude. Bonsoir. Salut Albino. Salut, ça va ? Ça va et toi ? J'entends bien tout le monde. Bon, ouais. ça a l'heure d'aller. On va essayer de régler un petit peu les potentiomètres, un petit peu plus fort, un peu moins fort. Et on va discuter ensemble. Donc, le groupe s'appelle Odéon. On dit Odéon, Odéon. On comme peut dire les deux. Hein. Odéon en anglais. On, Odéon ouais. Pour les Français, voilà. Comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Alors, on a choisi un mot transparent pour gêner personne. c'est vrai que comme ça, on peut le dire dans toutes les langues, et puis ça passe, en tout cas c'est international. Donc eh ben, vous étiez déjà venu dans l'émission Mavrika il y a quelques c'est temps. Ça, ouais. Ça fait pas si longtemps que ça, mais en même temps il y a eu le Covid, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'invités depuis. Si je regarde bien dans mes trucs, je dois pouvoir dire le c'était nom de l'émission. Début, il me semble que c'était en 2019, octobre je crois. C'était l'émission 427. Aujourd'hui, on est à 510. Ça fait presque 100 émissions entre les deux, quand même. Ça fait au moins 2 ans, à peu près. Au moins 2 ans, parce qu'il y a 52 semaines par an. Donc voilà. Au moins 2 ans, bah c'était avant le Covid, hein, avant tout ça. Et donc vous étiez venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, vous nous aviez présenté le groupe. Alors là on va recommencer, hein, parce que je pense que les gens, même s'ils ont accroché au départ, ils se souviennent plus tout à fait. Bien sûr. Donc le groupe, c'est un groupe qui est composé de combien de personnes ? Alors on est 4, donc 2 guitares, une lead et puis une rythmique, une basse. Une batterie forcément, puisque c'est rock, et une voix principale, et puis Antonin fait les chœurs, voilà. Très bien, donc on va citer tous les noms, hein, parce oui, c'est vrai que... Là on sait, vous êtes un groupe de rock, donc c'est vraiment le standard, hein, donc batteur, guitare, chanteur, etc., et la basse, bien entendu. Et donc, on va mettre des noms sur chaque membre. Ok, bien sûr. Donc, j'ai parlé d'Antonin. Donc, c'est celui qui n'est pas encore là, qui va arriver bientôt. Mm-hmm. Donc, qui est guitariste, lui, soliste. Et puis, qui m'aide aussi pour les chœurs. Le bassiste, c'est Alex. Exactement. Voilà. Donc, qui est là depuis les débuts. Et puis, le petit nouveau, on va dire. Le petit nouveau, ouais. Voilà, parce qu'il y a eu du changement depuis la dernière fois. Il y a eu un petit peu de changement, donc Bastien, alias Baba, ouais. Qui assure donc à la batterie. D'accord, très bien. Qui est tout jeune, puisque tu as 16 ans. Il n'y a pas d'âge, hein, pour faire du rock, pour aimer le rock and roll. Voilà. On le dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux, qui vont le voir et ah, t'as quel âge parce qu'il est assez jeune et c'est la classe. Ouais, c'est moi je trouve ça bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans certains groupes, hein, j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs comme ça, où il y a des membres qui ont déjà un certain âge, mm-hmm. et des fois il y a un petit dernier qui arrive qui est un peu plus jeune, ouais, et puis ça fait une grande différence. Mais on se dit, tiens, il n'y a pas de barrière d'âge, hein, quand non, on aime la musique. Oui. Mais même, regarde les plus grands. Deep Purple par exemple, Steve Morse qui est arrivé après le début de Deep Purple, je crois qu'il y a un décalage entre les premiers membres, Ian Gillan, tout ça, donc c'est très bien qu'il y ait cette ouverture d'esprit dans la musique, quoi. Mmh, tout à fait. D'ailleurs, j'ai été voir un groupe dernièrement en concert, c'est le groupe Barricade, en première, que vous connaissez, très bon groupe, et les gars super géniaux. Franchement, c'est toujours un plaisir de les retrouver. Et en première partie, il y avait aussi les Brunettes, hein, donc les Brunettes qu'on va inviter aussi dans l'émission. Alors, je sais que la semaine prochaine, elles sont prises, ça va pas être possible, le lendemain, elles sont en concert, tout ça, mais on va essayer de caler une date. Hein. Ils m'ont dit, ça y est, on est prêtes. Hein. Donc, elles viendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et pour revenir à Barricade, justement, il y a aussi Léo qui est beaucoup plus jeune que les autres. Et en attendant, c'est... Oui, je vois. Bon, on les connaît pas personnellement, mais moi, je sais que j'aime bien les écouter. Oui, c'est vrai que c'est le guitariste, il me semble. C'est le guitariste. Guitariste. Bon, il y a 3 guitares quand même dans le groupe. Oui, ouais. Donc, ils s'entendent bien, et puis c'est ce qu'il faut, quoi. Ah oui, franchement, et puis un très bon groupe, et j'ai eu beaucoup de plaisir à les voir sur scène, et franchement, allez les voir si vous avez l'occasion, parce que bon, ils viennent, ils sont souvent sur Blois, Tours, Orléans, voilà, c'est un peu. Je les avais vus rapidement à la guinguette du Domino, pas loin de mer. Mais déjà, à c'est un peu là-bas haut que je les ai connus aussi. Hein. Ouais, quand on était venu, il me semble qu'ils avaient sorti un CD à cette époque-là. Alors, je ne saurais pas te dire lequel, mais. C'est le fameux CD qui est compliqué. Même eux, ils ont du mal à dire. C'est une latitude, une longitude. Donc, c'est des chiffres et tout ça. Et là, ils viennent de sortir un nouveau CD aussi. On écoutera peut-être un petit morceau tout à l'heure. Carrément. Aussi. Voilà, carrément. Et après aussi, je pensais aussi au Shaky Metz aussi, où il y a le guitariste qui est beaucoup, qui est plus jeune aussi. Connais pas du tout. Je sais pas, les gars, si vous connaissez. C'est un groupe à découvrir, hein, les Shaky Metz, qui est déjà venu à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui a déjà participé à Maurica Live aussi. Et c'est un groupe qui vient de Paris quand même. Hein, donc, et il y a une date. Il y a déjà une date, et je crois que c'est au mois de décembre 2022. Elle est déjà réservée. Donc voilà. D'accord. Comme ça, on parlera des Shaky Metz, et puis on va voir s'ils seront tous là. Donc, tout à l'heure, on a écouté aussi plusieurs artistes. On a écouté Jimo avec Bad Trip. Et on a écouté juste après, je voulais en revenir là, à Lajari. C'est un groupe que vous connaissez aussi, non ? Alors, moi, je les suis sur Facebook, oui. Ouais. Ah oui, le duo, Ils sont deux, je crois. Ils sont quatre. Les deux frères. Ce sont, à chaque fois qu'ils viennent dans l'émission, il y a toujours les deux. David et Benoît. Puis je les vois faire des vidéos. Ils sont aussi souvent deux. Alors c'est pour ça. Ouais. c'est vraiment l'âme. Mais bon, ouais. les deux autres membres du groupe, c'est aussi des Alexandre et Arnaud. C'est des gars. C'est des pointures aussi au niveau de la musique. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, là, on a écouté un morceau qui est en anglais, ce qui n'est pas. Qui n'est pas leur habitude de chanter en anglais, mais ils le font aussi. Hein, voilà. Okay. Ils chantent souvent des chansons en français. Et demain, ils seront en concert sur Olivet. Alors, l'endroit exact, bah, comme je n'ai pas Internet, je ne peux pas le voir directement. Mm-hmm. Mais bon, renseignez-vous, vous allez le trouver. C'est rue Paulin-Labarre, ça, je m'en souviens. Et c'est un endroit où il y aura donc la Jarry en concert. Voilà, si vous voulez aller les voir. Okay. On revient donc à Odéon. Voilà. tous les accents du monde. Alors là, vous avez sorti un EP qui s'appelle Résilience. Oui. Alors pourquoi ce nom ? Parce que la thématique en fait de l'EP tourne autour de la résilience, l'avant-résilience, l'après-résilience, et puis la résilience en elle-même. Chaque musique en fait parle de toutes ces étapes en fait. Et c'est aussi un petit peu un tutoriel pour faire cette résilience pour les gens qui peuvent être un petit peu perdus dans leur vie, etc. S'ils arrivent à comprendre ce que l'on dit dans nos musiques, ça leur fera que du bien. D'accord, très bien. Voilà. Donc c'est un CD où il y a 5 titres. Et il a été enregistré au studio R, donc par notre ami Freddy Rouillet. Yes. Voilà. On en parle souvent et toujours en bien. Hein. Oui. C'est vrai que dans l'émission en Amérique. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on avait parlé de lui, il avait écouté, il m'avait contacté en me disant c'est super sympa. Je dis bah oui, mais moi je reçois des gens, on dit du bien sur toi. Bah, je vois pas pourquoi on parlerait pas de toi aussi. Là, il me semble qu'il a fait un CD de Barricade, je crois. Oui, il me semble que c'est bon, Barricade. Il en a fait plein. Duke aussi, tu as reçu Duke aussi. Enfin bon, il y en a. Il va falloir qu'il revienne d'ailleurs aussi. Eh ben on le salue. Ouais, voilà. Parce que Duke aussi, c'était prévu pour le Maverick Alive numéro 12 qui n'a jamais eu lieu à cause du Covid. On va essayer de relancer ça. Et donc, ça serait bien qu'ils reviennent aussi parce que franchement, c'est des gens super agréables. C'est des crèmes. Et puis, on passe toujours un bon moment. Je les ai vus à la 3e édition de. Tu sais. Les Red Daff, ils organisent la Brock'n'Roll. Ouais. Je les ai vus à la 3e édition de la Brock'n'Roll. D'ailleurs, je crois que la date est déjà arrêtée. Hein, c'est le 11 septembre, si je me trompe pas. Oui. Alors, il m'avait dit que c'était en septembre. C'est le 11 septembre. D'accord. Voilà, okay. Ça tombe bien. Donc, okay. Donc, la date est déjà prise parce que eux aussi, ils ont une association qui a été un petit peu impactée par le Covid. Mmh. Et puis là, ils ont envie de bouger. Mmh. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Il y a des stands, il y a des gens qui viennent exposer. Il y a aussi des gens des associations comme nous qui sommes régulièrement. Et il y a aussi la possibilité de vendre du matériel ou d'acheter du matériel qui a un rapport avec la musique. Avec la musique, c'est donc, ça. Donc, des guitares, des amplis, des machins, des jacks, des pédales. Tout ce truc comme ça. Et dedans, vous allez, il y a aussi des petits concerts, donc en extérieur. C'est là où, d'ailleurs, je vous avais vu pour la première fois, me semble. Oui, on avait joué. Et comme quoi, le monde est petit. Hein, oui, c'est vrai que tu étais exposé à côté de la scène, il me semble. Oui, on n'était pas loin de la scène. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, les petits souvenirs qui remontent, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, l'affiche est déjà. J'ai déjà vu l'événement partagé sur Facebook. Donc, c'est le 11 septembre. D'accord. Donc, retenez cette date-là. Et comme ça, ben, vous allez retrouver plein de copains là-haut à Talzy. Alors, on a parlé de Freddy Rouillet, qui a enregistré donc cet album dans le studio R. Alors comment ça s'est passé? C'était à quel moment déjà? Alors très très bien. Bah c'était l'an dernier, à peu près à la même époque, je crois. Vous avez profité justement du confinement et tout ça pour... Oui, c'est vrai que puis ça faisait comme beaucoup de groupes. Oui. Bon, c'était pas voulu par rapport à ça, mais Freddy était libre, il cherchait du monde et puis nous on était prêts. On était prêts, les compos étaient prêtes, la thématique de l'EP était en place, tout ce que je voulais mettre en place était prêt, donc le puzzle était prêt à être. On avait sorti les pièces de la boîte et puis il n'y avait plus qu'à mettre en place avec Freddy. Voilà. D'accord, très bien. Donc là, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il fait très chaud. On a ouvert les fenêtres et on entend les oiseaux qui chantent. Ça, c'est agréable, ça, oui, aussi. Hein. On vous l'envoie à la radio pour ceux qui n'ont pas de jardin et tout ça. Donc, ça, c'est toujours agréable d'entendre les oiseaux en même temps qu'on discute. Et donc, ce soir, il y aura des morceaux en acoustique. Vous en avez prévu combien? Ah ben, ce sera en fonction de l'avancement. On peut en faire. C'est ah ouais, à ta demande. On est là pour toi. Il n'y a pas de limite. On va faire ça au fur et à mesure, hein, comme oui, on a l'habitude de le faire. Donc au fur et à mesure que le temps passe, on parle de telle chose, et hop, et on passe un petit peu de musique. Alors moi, j'avais aussi calé des morceaux. Qu'est-ce que j'avais calé Ah oui, j'allais caler un morceau d'un groupe que nous allons recevoir le 8 juillet. Donc la date a été marquée, elle a été déplacée, elle a été déplacée à plusieurs reprises. Et là, cette fois-ci, on en est sûr, ce sera le 8 juillet. Ils seront là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est un groupe que je connaissais pas encore, j'ai découvert sur internet, ça s'appelle Drive to Amnesia. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout. Donc il y a des musiciens, il y a du clavier, c'est du rock, il y a aussi du synthé, et c'est une chanteuse qui chante avec une très jolie voix. Bah, à la limite, on peut écouter un petit morceau, et puis après, on parle de Odeon, et on lance un petit peu l'album, on va découvrir tous les morceaux, et ça puis on va continuer comme ça. Donc on écoute le groupe Drive to Amnesia, qui sera présent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission numéro, je sais pas exactement, ça sera le 8 juillet en tout cas. On peut faire le calcul, hein. Si vous avez la réponse, vous pouvez toujours nous appeler. La Méditerranée, la route migratoire la plus mortelle du monde, c'est le constat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Okay. Une meilleure vie, Better Life, c'est le titre du groupe que nous allons donc recevoir le 8 juillet dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Et c'est donc le groupe Drive to Amnesia. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel où on en reçoit le groupe Odeon. Ils sont pas encore au complet, il y a 3 membres et il en manque un quatrième qui va pas tarder à arriver. Mais on va commencer à discuter un petit peu de l'enregistrement. Donc l'enregistrement a été fait il y a à peu près un an, donc dans le studio R par Freddy Rouillet. Ça a mis longtemps à enregistrer. Comment ça s'est passé, les prises de son? Est-ce qu'il y a des anecdotes, des choses comme ça que vous pouvez nous raconter? Ah, ça a été relativement rapide, mais c'est une journée par instrument, si oui, voilà, c'est ça. Mmh. Enfin, plus ou moins. Freddy nous a mis tout de suite à l'aise, en fait. On sent qu'il a l'habitude, contrairement à nous, on n'avait pas l'habitude, donc. Première expérience pour vous, alors? Ah oui, complètement. Ouais, ouais. C'est le premier EP, première création de Odeon. Donc, il a été vraiment très pro. Il nous a mis à l'aise. Il était surtout à l'écoute. C'était vraiment agréable. Et puis, il a beaucoup de matériel. Il connaît son matériel. Mmh. Il a su nous aiguiller sur le son qu'on voulait, nos émotions aussi, en fonction de ce qu'on voulait faire passer à travers des compositions. Donc très très agréable, une super expérience. Très bien. Donc il a fait les prises de son. Après derrière il y a eu tous les mixages. Là, l'édition, ça a mis très. Ça a été très long, non, au niveau mixage? Oui, parce qu'on a été un petit peu tatillon, donc. Ouais, donc il vous faut écouter déjà le premier résultat. Vous dites c'est ce que ça, vous en oui. pensez. Ouais, on mettrait peut-être puis, la basse un peu plus forte. Voilà, ou, c'est ça. Après c'est tout un listing en fonction des instruments. Et puis on lui dit par exemple là par exemple à 2 minutes 40 faudrait mettre un peu plus de cœur, ou je sais pas, 3 minutes 20 là faudrait peut-être qu'on rajoute une guitare sèche peut-être, ça passerait mieux, enfin voilà. Et d'ailleurs sur le CD on peut voir que il a joué aussi du clavier. Oui, alors il fait les arrangements en fait qu'il fait au clavier. Oui, c'est des petites sonorités qu'il rajoute, et puis effectivement on a dû le rajouter, voilà, en tant que, parce que c'est lui qui a composé ces petits effets, hein, c'est à lui, voilà. Ouais, donc j'ai trouvé ça drôle parce que je me suis dit, effectivement vous êtes 4 membres, mais là il y en a un cinquième. Et là j'ai vu clavier. Ah oui, Freddy Rouillet, donc il a participé en tant que musicien aussi, voilà. C'est ça. Très bien. Donc après il y a eu, je suppose il fait aussi le mastering. Comment ça se passe? Ah oui, là il nous a vraiment il vous a tout fait, quoi. Ah oui, c'était vraiment. S'occupe de A à Z. C'est ça, il nous a guidé, et puis il a vu que voilà, on lui a dit d'ailleurs, on a été honnête que c'était notre première expérience là-dessus, et puis vraiment très très très bien. Je le recommande à tous les musiciens qui nous écoutent. Très bien, c'est bien de parler aussi des studios, parce que c'est vrai que souvent les musiciens veulent trouver un studio pour enregistrer, parce que c'est bien de faire des concerts et tout ça, mais on aime bien aussi avoir quelque chose de physique à emmener à la maison pour pouvoir écouter dans la voiture ou chez soi, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que pour trouver un bon studio qui corresponde exactement à ce qu'on veut, souvent il y a les musiciens, on essaye plusieurs, etc. Et il y en a certains qui trouvent le bon tout de suite et puis ils le gardent pendant des années. Ouais. Donc voilà, après c'est une entente beaucoup avec le technicien, parce que lui connaît son matériel. Voilà, il est aussi à l'écoute. Il y a aussi des techniciens qui sont plus avec des styles particuliers, donc certains qui veulent. Oui, alors ce qui est intéressant avec Freddy, c'est que vu qu'il a un panel de matériel, enfin c'est incroyable tout ce qu'il a. Il peut s'adapter à beaucoup de genres. Il a fait aussi, je crois qu'il a fait un album de Mathis Poulain aussi. Aussi, oui. Et un album qui était d'ailleurs très diversifié. Je crois qu'il y avait des morceaux ska, reggae, des trucs un petit peu plus rap, d'autres un peu plus rock. Il est vraiment complet. Je vois pas comment il pourrait décevoir un artiste, en tout cas des musiciens qui viendraient chez lui, quoi. Mm-hmm. Il est très diversifié. Ouais. Et en plus, bon, il connaît le matériel et tout ça, mais c'est aussi la personnalité, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui s'implique. Oui. On voit bien que. On sent qu'il est fan, depuis. Il est impliqué depuis des années, quoi. Depuis. Je veux pas dire de bêtises, mais depuis, je crois, les années 80, parce qu'il a du matos qui est plus ou moins. Ouais, il a des trucs un peu vintage, comme la gueule, et puis il faut savoir s'en servir. Dans les studios numériques aujourd'hui, on a des choses qui sont ultra linéaires et tout ça. Mmh. Et pourtant, on a fait de la musique pendant les années 70 avec des morceaux qui sont encore aujourd'hui les standards, avec du matériel qui avait une couleur. C'est-à-dire qu'il avait une résonance particulière, il avait des petits défauts qui étaient devenus des qualités. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans les studios numériques et tout ça, on a tendance à rechercher les vieux amplis, les vieux pré-amplis, justement à lampe ou alors avec vintage, à transistor, qui nous permettait de faire des choses qu'aujourd'hui on a un petit peu de mal ou où il n'y a pas la même magie, il manque peut-être quelque chose, donc on aime bien ça. Après, est-ce que j'ai un ami que je connais depuis peu là qui a participé, enfin qui a eu une expérience incroyable aussi de radio sur, enfin j'ai peut-être pas le droit de les, sur RFM et qui a interviewé beaucoup d'artistes de ces époques-là en fait, Megadeth et tout ça, et puis il me disait que lui, pour lui, vu qu'il a vu tout ça, et de très près d'ailleurs, que la musique, faut imaginer que c'est une plaine où il n'y a rien, puis des gens viennent, un village se crée, etc. Et là, à l'heure actuelle, il faudrait un petit peu s'émerveiller parce qu'on a repeint la cabine de téléphone ou l'arrêt de bus, tu vois. Mmh. Donc je trouve ça vraiment intéressant, la vision qu'il a. Donc, c'est peut-être pour ça que tu vois, on cherche effectivement les trucs un petit peu à l'ancienne, mais est-ce qu'il faudrait pas essayer de trouver un petit truc authentique, quoi. Donc, c'est sûr. Si on regarde bien aussi, même au niveau du matériel, quand on regarde les guitares, les basses, elles ont été inventées en quelle époque? Donc, ce qu'on utilise encore aujourd'hui, finalement, c'est des choses qui existaient déjà dans les années 60, 50, pratiquement pas évolué. Oui, c'est... Puis bon, après, c'était peut-être pas aussi facile d'accès, hein. C'était pas les mêmes en fonction de... Enfin, en fonction de, comment dire, du budget des gens, c'était peut-être plus difficile d'accès. Ouais, tout avant. Était un peu plus difficile. Voilà. Aussi, hein. Donc c'était aussi les studios, peut-être plus rare. Oui, bah bien sûr, folie, tout à fait. La folie, tout était en analogique, très cher. Ouais. On enregistrait sur des bandes qui elles valaient très cher aussi, qu'on pouvait pas forcément faire ce qu'on voulait avec. Aujourd'hui, le numérique, on efface, on recommence. Ça repart. Ouais. Hein. Donc il y a des avantages, mais il y a aussi une certaine nostalgie qu'on peut avoir. Et j'ai vu même, par exemple, il y a des gens qui vont jusqu'à New York où il y a des studios qui enregistrent encore sur des bandes pour avoir le son de l'époque. Quoi. Bon, aujourd'hui, on peut recréer aussi. Bon, il y a plein de choses comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est se dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une technologie très variée. Alors, il faut prendre ce qui est bon partout. Quoi. Voilà, c'est ça. Faut pas bouder non plus ce qui est à l'actualité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de nostalgie à vouloir chercher le... Ah, j'aimais bien le son Led Zeppelin, machin. Faudrait que je fasse un petit peu pareil pour que ça marche. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais est-ce qu'il faudrait pas trouver quelque chose qui leur corresponde, en fait, tu vois? Que ce soit du vintage ou du plus récent. Mmh. C'est à la recherche de la personne. Faut vraiment qu'avant, que l'émotion de cette personne passe à travers la musique. Et donc, après, choisir le matériel en fonction de ça. Je pense. Enfin, sa marque ou son, voilà. Ce qui est le mieux, quoi, pour ce qu'il veut retranscrire, en fait. Voilà. Mmh. Très bien, c'est un peu comme les gens. Moi, je me souviens à une époque où il n'y avait pas de CD. Hein. Moi, j'ai connu cette époque-là. La musique qu'on écoutait, c'était sur la meilleure qualité qu'on avait, c'était le vinyle. C'était la référence. Mmh. Ou alors des magnétophones à bande, mais c'était déjà réservé pour des professionnels. Et puis après, il y avait nos cassettes qui étaient au départ pas forcément très bien, mais qu'on a réussi quand même à avoir une excellente qualité avec quelque chose qui, à l'origine, n'était pas fait pour la hi-fi. Mmh. Quand le CD est arrivé, on a dit, c'est quelque chose de magique. On peut mettre les doigts dessus, ça se salit pas, on nous a fait croire un tas de choses. Et aujourd'hui, quelque part, on revient un petit peu au vinyle aussi, parce qu'il manque autre chose. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, le son n'est pas compressé, il est analogique, c'est vraiment le son du haut-parleur, il a vibré de cette manière-là, le micro a vibré pareil, on l'a enregistré de cette manière-là et il est restitué de la même manière. Alors que là, le numérique, on sait très bien que c'est transformé en 1 et 0, etc., et c'est reformé, quoi. La preuve d'une ancienne génération. Pour toi, oui. Tu as 16 ans, petit jeune. C'est vrai que des fois, ça fait du bien d'écouter des vinyles comparé à certains CD. Et même nous qui avons connu un peu ça, je sais que moi, par exemple, les cassettes, j'étais pas nostalgique des cassettes. Moi, j'ai utilisé ça à l'époque parce que c'est le seul support sur lequel on pouvait enregistrer à une époque. On n'avait pas d'autre chose. Hein. C'était la cassette ou rien d'autre. À l'époque, je faisais des cassettes. Et il y a quelques temps, donc, j'ai remis une platine cassette dans mon studio. Hein, j'en ai plusieurs, mais ils sont pas branchés. Donc là, j'en ai branché une et j'ai mis une cassette qui était enregistrée il y a 30 ans. Et quand j'écoutais le son, je dis, mais on a besoin de quoi d'autre? Tout est là. Une cassette bien enregistrée qui avait 30 ans pourtant. Mm-hmm. On pourrait croire qu'elle a une bonne platine et tout ça. Et on s'est dit, mais finalement, à l'époque, on était content du son qu'on avait, quoi, finalement. C'est ça, oui. Voilà, après, c'est... Il y avait peut-être un petit côté, comment dire, innocent, tu sais. Ouais. Chez les artistes, c'était beaucoup plus spontané, peut-être, vu qu'il n'y avait pas de recul. Parce que c'est vrai que les artistes d'aujourd'hui, pas tous, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a peut-être un besoin de se retrouver sur voilà les vécus ou ce qui a été fait historiquement dans l'histoire de la musique. Par exemple, je sais pas, Woodstock, ça a énormément influencé de musiciens, quoi. C'est tout oui, ça. Oui, il y a des événements qui ont, voilà, ouais, qui ont marqué une époque et qui ont remis la musique dans une certaine direction et tout ça. C'est ça. Plein de choses comme ça. Donc, et puis après, il y a aussi des standards aujourd'hui qu'on écoute encore, qui ont été enregistrés à une époque où on mettait un micro au milieu du studio et tout le monde chantait et on jouait comme ça. Oui, oui. Et il n'y avait pas autre chose. Beatles, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Et à une époque, c'était la référence. On faisait tous comme ça. Et maintenant, on fait du multipiste, on enregistre l'instrument, un autre instrument, on mélange, on peut en mettre plus de l'un, moins de l'autre. À l'époque, non, une prise, elle était faite. Et mais quelque part. Je veux pas dire de bêtises. Je crois que les Beatles avaient enregistré, je sais plus exactement ce que c'était. Mais c'était un CD, je crois, qui était fait piste par piste. Et puis après, ils avaient fait un concert. C'était le fameux concert sur le toit. Enfin, je m'en rappelle plus exactement. Enfin, ils avaient fait un concert en live comme ça. Et le manager avait dit faut qu'on prenne ce que vous avez fait en live. C'est génial. C'était mieux que ce qu'ils avaient fait bande par bande. Ouais. Donc, on parlait tout à l'heure aussi de Led Zeppelin et tout ça. Moi, dernièrement, j'ai. Comme je bricole, j'aime bien mettre de la musique en même temps. J'ai écouté des vieux albums qui ont été enregistrés en live. Avec, on connaît les morceaux en studio qui sont super bien peaufinés. Et là, on découvre autre chose de différent, mais qui a une puissance incroyable. Ouais. Même si c'est pas parfait, même si c'est. Le studio, c'est toujours, on cherche la perfection. En live, ça sort comme ça sort. Et des fois, ça sort, c'est mais. Déjà, t'as l'engouement du public. Enfin, t'as. Ouais, c'est pas la même énergie. C'est pas la même chose. Que, ouais, c'est deux choses différentes, mais voilà, il faut écouter les deux choses en même temps. Voilà, chaque. Mais comme il y a des artistes qui sont plus à l'aise en studio et d'autres plus à l'aise en live, hein, voilà. Ouais, ça c'est une question que je demande assez régulièrement. C'est vous êtes plus un groupe de studio ou un groupe de live? Après, c'est vrai qu'on n'était pas trop à l'aise au début. Notre expérience au début de quand on a fait Résilience, bon c'est pareil, on était un petit peu timide et puis finalement, enfin pour ma part, on a pris goût aux deux. Après je sais pas ce que pour vous les gars. Après, si vous êtes, ça jamais été des grosses scènes non plus. Enfin, non, je sais pas, ça se fait. Ça. Le peu d'expérience qu'on en fait, a fait, vraiment, ça se fait bien. C'est agréable quoi. Ouais. Toi Baba, moi, je sais pas ce que t'en. J'ai pas eu la chance d'aller en studio. T'as eu la chance parce que c'était encore notre ancien batteur Jesse. Bah d'ailleurs on le salue au passage Jesse s'il nous écoute. Et puis mais bon, bah, en tout cas Baba, je te le souhaite hein, d'avoir ton expérience. Mais je pense pour l'instant je préfère le live. Oui bon. Ça viendra. c'est deux choses complètement différentes, mais qui sont complémentaires aussi. Hein, complémentaires pour certains. Ouais, tout à fait. Oui. Ce que je propose, c'est qu'on écoute justement un enregistrement qui a été fait un peu à l'arrache aussi, comme ça, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission numéro 427. Alors tu vois de quoi je veux parler. Exactement. On va écouter tout de suite. Donc, il y a eu un petit montage qui avait été fait par notre ami Didier avec une vidéo. Donc, j'ai repris c'était le son de cette. C'était fait. Ouais, c'était fait. On écoute tout de suite. Oh, voilà, ça remonte à il y a quelques temps déjà, à peu près 2 ans. C'était l'émission numéro 427 et nous avions reçu Odeon. Et ce soir, nous les recevons à nouveau. Donc, c'était un morceau qui a été enregistré en live et qui fait partie aussi du nouvel EP qu'on va découvrir dans cette émission. Alors, ça y est, le groupe est au complet. Bonjour Antonin. Il en manquait un, c'est Antonin. Il est là, donc voilà, au complet. Bon, on va résumer tout le monde. Donc, Arnaud, Jesse, Baba et Antonin. Voilà, j'ai oublié personne. C'est, non, Jesse, c'est Alex. Il n'y a plus de Jesse, c'est Alex. Ah, c'est Alex, ouais. Pardon. Jesse, c'est Alex. L'ancien. Ah, bah, j'ai mal le marqué. C'est pas grave. Non, il y a eu des changements. Non, Alex, excuse-moi. Voilà, donc on récapitule et comme ça, maintenant on est sûr. Là, j'ai marqué les 4 noms, donc ça va être bon. Très bien. On écoutait donc ce morceau. Ce morceau-là, il avait été. C'était un morceau récent à l'époque. Vu qu'on était dans nos débuts, c'était, ouais. C'était même les esquisses, je crois, de Feuille Noire. Donc, c'était. Alors, écoutez, là, il n'y avait pas certains trucs que tu avais peaufiné d'ailleurs, Antonin, les petits trucs à la guitare en lead, tu sais. Et puis, les voix secondaires aussi qui manquaient. Enfin bon, c'était les débuts. C'était les débuts. Très bien. Donc, je regardais tout à l'heure à la guitare, donc Antonin Savigny. Moi je connais un autre guitariste qui s'appelle aussi comme ça. C'est pas de la famille. Non, je connais pas. C'est Régis Savigny qui est un grand guitariste de la région. Ah d'accord, mais je connais pas. Voilà. D'accord. Voilà, comme ça je l'ai déjà reçu à 2 reprises avec différents artistes donc c'est pour ça que ça m'est venu comme ça. Mais bon, c'est bon de le savoir, c'est une coïncidence. Très bien. Donc dans cet album, il y a 5 morceaux. Alors, vous avez combien de morceaux actuellement déjà composés que vous pouvez mettre dans un album? Alors, on peut dire peut-être une dizaine en tout. Une dizaine. Oui. Une dizaine. Si on compte ceux qui sont déjà dans l'EP. Justement, ça n'a pas dû être facile de choisir 5 morceaux quand vous en avez 10. Au début, on était parti sur plus, puis pour diverses raisons, on a dû baisser un petit peu. On a vraiment choisi les principales, celles qui faisaient la ligne directive donc de la résilience. Hein, toujours ce thème, on voulait tourner autour de la thématique de la résilience. Donc, on a sélectionné ces 5-là qui passent bien pour ce thème. Très bien. Donc, ce que je propose, c'est qu'on écoute le premier morceau, qu'on en parle depuis tout à l'heure. On arrive... l'émission passe très vite, hein. Déjà plus d'une heure qui est passée. Et on n'a pas encore écouté de morceau du nouvel album. Donc là, on a fait un peu patienter les gens. Oui. Alors, le premier morceau s'appelle Pantomime. Tu veux nous en parler un petit peu aussi? Oui, tu veux que j'en parle après ou maintenant? Comme tu le sens. Peut-être que... On l'écoute d'abord. Voilà, parce que je vais peut-être expliquer certains trucs un petit peu techniques après, donc il vaut mieux que les gens l'aient écouté. On écoute donc, tiré de l'album Résilience, le groupe Odeon avec un morceau qui s'appelle Pantomime. Voilà, donc c'était le premier morceau de cet album qui s'appelle Résilience. C'est un EP, il y a 5 titres, et c'est le premier titre, j'ai dit pantomime, mais c'est pantomime. Ah, pantomime, mais pareil, c'est un mot transparent, tu peux dire ouais, pantomime. Oui, on peut le dire en français, ouais. Il existe en français, c'est... il existe aussi en anglais, tout c'est à fait. Avant de parler de ce morceau-là, parce qu'on avait dit qu'on allait en parler, j'ai quelqu'un qui est au téléphone et on va discuter un petit peu avec lui. Bonsoir. Allô. Ah oui, ça y est, ça marche. Excuse-moi, je t'avais fait attendre un petit peu parce que tout à l'heure, bah justement, j'avais un petit doute. J'avais l'impression que je t'avais perdu. Donc, et là, j'ai vu que, bah non, apparemment, il est encore là. Donc, on va discuter un petit peu. Donc, tu m'as dit tout à l'heure que tu ne connaissais pas le groupe de ce soir, Odéon. Je découvre Odéon ou Odéon. Ouais. Bonjour. Ouais, salut, Odéon, on ne sait pas. Comme tu ouais, veux. Les deux. Comme tu le sens. Parce que l'avantage, c'est qu'ils chantent aussi bien en anglais qu'en français, donc ça, c'est une bonne chose. Merci. Bah, donc, Odéon, pas de problème. Ça me va bien. Donc, c'est Chris de Prisma. Du groupe Prisma, tout à fait. Oui. Tech for Geek avec le studio. Tu as fait, donc, voilà. Oui. Je sais pas si on se connaît, on s'est déjà croisé, je ne sais pas. Mais j'ai souvenir que Fred nous avait parlé de Prisma et vraiment en bien, que c'était. D'ailleurs, on avait écouté, c'était vraiment de la qualité, un technique. De ce qu'il nous avait présenté, ça sortait du lot, quoi. Merci beaucoup, c'est gentil, ça fait plaisir à entendre. Bah voilà, à savoir que Prisma, on a enregistré donc dans mon studio à Cléry-Saint-André. Là, j'ai monté une asso et donc j'en profite pour faire une petite pub vite fait, bien fait. Sans faire de l'ombre à Fred, sans faire de l'ombre, si vous avez envie en tant que groupe local de faire un petit essai avec moi, il n'y a pas de souci. Encore un studio. Hein. D'accord. Comme ça, les musiciens, ils sont sérieux, ils ont le choix entre plusieurs studios différents. On en parle assez régulièrement, hein. Toi qui écoutes souvent Christophe, tu le sais. Et toi, tu fais partie aussi des gens qui ont des studios et qui peuvent aussi enregistrer les groupes, pour ceux que ça intéresse. J'ai eu l'opportunité en fait d'investir dans du matos, hein, tout simplement. Et comme le son, la musique est une passion, je passe mon temps... chacun sa vie, hein, voilà. Et je passe mon temps, dès que j'ai 5 minutes, à faire du son, à manier du son et à faire des compos et à jouer de la zik qui me fait transpirer et qui me fait relever les poils. Voilà. Donc, notamment du rock'n'roll qui tâche et qui sent bon, la sueur. Voilà. Yes. Et je pense que vous êtes Odéon ou Odéon. Vous êtes dans le même esprit. Des souvenirs que j'ai de ce qu'il nous avait fait écouter, Freddy, c'était assez assez technique, un petit peu à la. Enfin, je veux pas te dire de bêtises, mais un petit peu, enfin, technique dans le genre un peu Dream Theater, mais un petit peu plus. C'est gentil, sachant que c'est un de mes idoles, mais le jour où j'arrive. Mais on sent, enfin, je veux pas te. J'espère que. Les influences. Pas de bêtises. Mais en fait, c'est mes amours de jeunesse. Hein. Ouais. Quand j'avais 17 piges ou 20 piges, je kiffais le hard FM et tout ça. L'initiateur n'existait pas. Et donc, c'est un mélange de tout ça. Quand on fait partie d'un groupe, et je pense que vous êtes exactement sur la même longueur d'onde, c'est que avant tout, faut prendre plaisir de faire de la vie qui nous plaît. Et avec des icônes. Je vois tous les gars, là, tout le monde cochait la tête. Mais je me doute. C'est avant tout une aventure humaine, avant tout, et on partage tous nos influences. On a tous écouté de la bonne vie, Et fatalement, en tant que musicien, même un bassiste, même un batteur. Il n'y a pas très longtemps, là, on a démarré une nouvelle compo avec Prisma. C'est parti d'un risque de batterie à la ZZ Top, toi. Ah yes, d'accord. Voilà. Ouais, pourquoi? Parce que Ben, il s'est rappelé d'un titre de ZZ Top et puis c'est parti et c'est ça qui est géant, quoi. Voilà. Ah, je suis tout à fait. Je veux pas vous prendre, je veux pas prendre monopoliser la l'antenne. Non, c'est intéressant. En tout cas, je serais ravi, voilà, de venir vous voir sur un de vos prochains lives. Pas de problème. En parlant de live, donc faire une petite pub parce que j'en profite grâce à Albino et son émission Maruka. Ça nous permet quand même de se faire connaître et de faire un peu de publicité. Voilà, on joue demain effectivement au Dropkick avec deux autres groupes. Ce sont des potes, hein, ils sont de la région parisienne. Il y aura Vicious Chark, c'est du Hard Heavy, ils viennent de Paris en première partie. Après, il y a les Dark Revenges. Donc on les avait déjà fait venir sur notre festival à Cléry-Saint-André au mois de février. Et puis donc pour finir, donc on fera un petit set de 1h15, 1h30 avec Prisma. Donc ça c'est au Dropkick. C'est pas facile à dire, hein. Ah non, à chaque fois Pip, on va croire que c'est pour un track top, mais non, pas du tout. Ça me fait penser au groupe Dropkick Murphys. Enfin, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Ce groupe-là. Et donc, ça démarre à 20h, il y a des passes à 7€, parce que, faut bien un petit peu rembourser, les frais. Quand t'es Zikos, t'as toujours un peu de frais quand même, minimum. Et puis, on espère qu'il y ait du monde. Si jamais il y a des orages, nous, on s'en fout, on est à l'abri. Ouais, c'est ça l'avantage. Contrairement à ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, notamment le Festicolor. Qui est ce week-end. Voilà. donc voilà. Et puis, si vous pouvez venir, tant mieux. Et puis, sinon, de toute façon, ce sera sur une prochaine. Il y a pas mal d'autres concerts de prévus dans la région. Et puis voilà quoi. Et avec plaisir de vous rencontrer. Odéon. Voilà. Alors, je sais pas si on peut le dire, mais nous, ça, l'aventure va s'arrêter en fait. Donc, allons bon. Mais enfin bon, le but, hein, c'était de faire le P, mais oui, parce que il y a deux membres qui vont être très fortement indisponibles. Il y en a un qui va partir pour ses études au Canada. C'est malheureusement c'est la vie des groupes. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est en tout cas on reste content parce que voilà, on a fait on a réussi notre objectif principal qui était de faire l'EP, donc mais ça nous empêche pas que voilà, individuellement, par exemple, moi, si j'ai l'occasion, je pourrais passer et puis se rencontrer. Voilà. Toi, c'est Alex, hein. C'est ça, hein. Moi, c'est Arnaud. Excusez-moi. Voilà, déjà, tout à l'heure, Arnaud a répondu et moi, je n'ai pas demandé devant moi pourtant. Hein. j'ai entendu Alex et j'ai cru que c'était Alex, mais non. Alex, il est juste à côté, ouais. À droite, tu le vois à droite, là. Alex, le bassiste. J'imagine. Il fait chaud dans le studio, je parie. Ah oui, il fait chaud, on a ouvert les fenêtres, mais... c'est pour ça qu'on entend les petits oiseaux chanter. Ouais. Non, mais on va se cotiser, tous les artistes que tu reçois, Albino, on va se cotiser. J'ai des plans pour avoir des clims pas très chers, des clims mobiles. Et à chaque fois que tu feras l'émission, tu viendras avec ta petite clim mobile. Je vais t'avouer quelque chose, c'est que de mon côté, il y a une clim effectivement qui est là, mais je l'arrête pour pas que ça fasse de bruit, parce que je déteste quand ça fait le bruit. Mais tu sais que ça existe des clims qui font pas de bruit, hein. Oui, oui. Dans les studios, toi, j'ai mis une pompe à chaleur et tu l'entends pas. Ok. Et par contre, parce que c'est chiant, hein, de jouer quand t'as des gouttes de sueur qui tombent sur le manche. Ah oui, ça c'est vrai que c'est pas agréable. Mais non, c'est rock'n'roll. C'est ça qu'on aime, la sueur et que ça pue, là. Ça qui est bon. Les rockers qui puent des pieds, c'est ça qui est bon. Après, ça oxyde les cordes et tout. Voilà. Ouais, alors, tu changes les cordes tous les deux jours, ouais, c'est super bon. donc voilà, c'était bonne émission à vous, en tout cas. Hâte de vous entendre en live. Là, merci. Parce que, merci. Apparemment, vous nous avez préparé. Nous, les auditeurs et auditrices, pardon, vous nous avez préparé une petite séance live en acoustique. Donc voilà, je vous écoute, il n'y a pas de souci. Et merci. Puis, si vous avez l'opportunité de venir nous voir demain, notamment, tant mieux. Et puis, sinon, à une prochaine. Et les horaires, ça commence à partir de quelle heure? 20h. 20h. Oui, l'heure normale, quoi, des concerts. Quoi. Voilà, Vicious Shark commence à 20h. Nous, on joue... je crois que c'est 22h15 ou 22h30, dans le genre. Et puis, Et puis, bah, si on peut se boire toute une vinouse ensemble, bah, c'est aussi l'endroit pour ça. Là, c'est bon, il a trouvé le mot pour nous inviter, pour qu'on vienne, là, ça y est. C'est bon. Et voilà, bingo. Non, mais c'est un peu de commerce. Pas de problème. Bon, bah, allez, bonne soirée à vous. Merci Christophe. Bonne écoute. Merci pour ta fidélité. Et puis, au plaisir de te retrouver. Et puis, il va falloir aussi venir présenter le nouvel album. Eh ben, il est en cours. Oui, je sais. On prend le temps de le faire. Là, je suis seulement en train de faire les pistes guitare. Donc, toi, on n'est pas. On a une deadline qui serait au mois d'octobre, novembre. Voilà. D'accord, très bien. Bon, on a le temps d'ici là, donc vous nous le faites bien. L'important, c'est le résultat. Hein. Donc on est prêt à attendre un peu plus longtemps pour avoir un meilleur résultat. Ouais, mais on prend plaisir à le faire. Donc voilà. On ne gêne pas. Pas de souci, ça marche. Merci Christophe, et à très bientôt. On s'écoutera un petit. Alors j'ai noté, hein, j'essaie de noter les groupes parce qu'on parle de groupes certains et puis on dit on passera un petit morceau après. Mais souvent quand on fait ça, ça avance tellement vite que des fois on oublie. Donc là je le marque au fur et à mesure. Donc on passera un petit Prisma tout à l'heure. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup et puis longue vie à Odéon et Odéon. Merci. Allez, bonne écoute. Salut, merci. Ouais. Bonne écoute. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Ciao. Salut. Bye. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir parmi les auditeurs les plus grands artistes de la région. Hein, voilà. Donc, en parlant d'auditeurs, je peux me permettre de faire un petit coucou à Irène. Ah, Irène, oui. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas Internet, c'est un petit peu embêtant parce que souvent on est. Je pense qu'elle nous écoute. Mais Irène nous écoute, voilà. Nous écoute presque tout le temps. Tout le temps, voilà. Donc, on en profite. Ça lui est arrivé, on va le raconter l'histoire. Elle nous fait un petit coucou, c'est Irène. Ah. C'est Irène qui nous fait un petit coucou. Ben voilà, comme quoi on est content de savoir qu'elle est là, hein, la fidèle auditrice. On lui dit bonjour. Et en plus, Irène ne va pas m'en vouloir, mais je me souviens qu'une fois, elle m'avait dit, je me suis endormi pendant l'émission. Bah, c'est que c'est agréable. J'ai pas écouté mais je me suis endormi. Mais c'est vrai que c'était aussi à l'époque où on faisait des émissions interminables qui duraient plusieurs heures. Donc aujourd'hui, on est sur 3 heures et le temps passe très vite. Donc on a écouté premier morceau et on va continuer. On fait un petit coucou, un gros bisou à Irène, à tous les auditeurs fidèles. Il y a aussi une personne qui enregistre les émissions, c'est Florent. Il enregistre les émissions, c'est lui qui fait Florent, les Amigo, oui. Voilà, et qui fait aussi le bonjour aussi, qui fait aussi le podcast. Oui. Donc c'est très important. Oui. Alors il s'est excusé de pas avoir fait celui de la semaine dernière. Il avait prévenu qu'il serait pas là, mais au même temps, j'avais fait que des enregistrements, donc il y avait pas de personne dans les studios. Aujourd'hui, on est content parce qu'il y aura des lives et on va récupérer donc les lives pour pouvoir les rediffuser dans des prochaines émissions. Yes. On revient donc au premier morceau qui s'appelle Pantomime. Oui, voilà. Donc, est-ce que je peux en parler à ce moment-là? Donc, vu que c'est le premier morceau, donc c'est un petit peu l'avant résilience en fait. Donc, on a voulu mettre une part un petit peu sombre. Donc, l'accordage a été fait en ré en fait. Contrairement à un accordage standard qui est en mi, je peux dire une bêtise. Hein. Ah bon, voilà, une note. Je vais pas te dire l'inverse. Hein, moi, je veux bien te croire. Hein. Une note un petit peu plus sombre puisque donc c'est la seule musique qui parle de l'avant résilience, c'est-à-dire là où on est au plus bas quoi en fait. Hein, donc peut-être que je devrais donner la définition d'une résilience pour tout le monde, pour que tout le monde se situe à ce moment-là. Effectivement, résilience, on a peut-être tous une définition différente, et puis c'est bien de donner votre définition en tout cas. La résilience, c'est le fait de rebondir sur quelque chose qui est qui a choqué en fait. Par exemple, ça peut être des problèmes dans la famille, ça peut être des problèmes de cœur, ça peut être des problèmes au travail aussi, ça peut être des choses qui ont choqué aussi à la télé, hein, je sais pas, par exemple les deux tours, hein, moi je sais que quand j'étais gamin, hein, ça m'avait World Trade Center, ça m'avait c'est fait bizarre, hein, tu vois tes parents qui sont comme ça tout stoïque, et puis tu rentres de l'école, c'est bon, c'est, et puis après tu vois les images, comme c'est ça, comme le Bataclan, c'est aussi Bataclan, tout voilà, toutes ces choses là on est dans quel monde, voilà. Donc la résilience, c'est ça en fait, c'est le fait de pouvoir rebondir sur quelque chose de chaotique qui nous a traumatisé, sur un trauma quoi, tout simplement. Ouais. Et donc l'avant résilience, c'est là où la résilience ne s'est pas faite. Donc ceux qui écoutent bien les paroles de Pantomime, déjà Pantomime, le fait d'être d'être dans un pantin, en fait, on contrôle plus un petit peu sa vie, si tu veux, on subit en fait ces choses-là qui peuvent nous arriver, qui peuvent arriver à tout le monde d'ailleurs. Donc on a voulu donner une petite part sombre, et puis on est passé sur un moment où c'est le morceau est très énervé, un pont qui est un petit peu plus libérateur, et puis à la fin ça envoie beaucoup plus, puisque c'est vraiment le déchaînement, c'est là que la résilience va arriver, c'est voilà, on en a marre, on veut rebondir, on est au fond du trou et hop, on repart. Voilà, c'est le déclenchement de la résilience. D'accord, c'est un peu toutes les épreuves qu'on peut avoir dans la vie, hein, parce que bon, ça exactement, peut être des chocs, ça peut être plein de choses, hein, la perte de quelqu'un, voilà, les accidents, plein de choses comme ça, des choses qui nous changent finalement. Qui nous font évoluer aussi. Qui nous donnent des fois plus de force encore. Voilà, exactement. Même si pendant un moment on est au fond du trou et puis voilà, on en ressort encore plus fort. Exactement. Très bien, donc Pantomime, et le deuxième morceau, donc c'est Résilience, et c'est on l'écoute tout de suite. C'est parti. Yeah. deuxième morceau de cet album qui s'appelle Résilience, et le titre c'est Résilience, justement, c'est le nom de cet album. Donc un morceau qui déménage, hein. Et en plus, à chaque fois que je monte le son, c'est vrai que la qualité est super bien enregistrée. Bravo en tout cas pour le studio R, pour son travail avec Freddy Rouillet, et aussi à votre travail aussi, à vous, hein, parce que là c'est on voit pas, mais c'est des heures et des heures de répétition, c'est des heures de mise au point, c'est des mixages, c'est plein de choses comme ça. Hein. Oui, donc, merci. En tout cas, superbe son, en tout cas, c'est bien agréable à écouter ce morceau-là. Merci. On en a encore trois autres à découvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On parle encore un petit peu de l'album? Oui, d'accord, ok. Alors, l'album, le prochain titre, c'est Believe in Yourself. Yes. Ça veut dire qu'il faut croire en soi. Ouais, exactement. C'est important, ça. Et là, on est donc sur la pré-résilience. Donc, la résilience a été faite. Il faut profiter de la vie, il faut savourer ça. Et puis voilà, c'est la fête, tout simplement. Alors ça, il y a des gens qui croient en eux, alors que des fois, bon... Et inversement, il y a des gens qui sont super bien et ils croient jamais en eux, ils ont pas cette confiance. Ah, c'est vrai, oui, que ça, c'est important, ça aussi. Hein. Bah, alors, c'est la, ne pas confondre non plus humilité et puis trop confiance en soi, oui. Ouais c'est... est-ce que les gens manquent pas confiance en eux à notre époque, à notre société, dans notre société actuelle? Ça fait pas de mal non plus que les gens aient confiance en eux. Est-ce que faut les encourager, je pense. Ça leur fera que du bien. Ouais, sans non plus, voilà, que se prendre la grosse tête ou oui, les chevilles qui gonflent. Faut jamais être dans l'excès. Hein, oui, voilà, parce que c'est quand on a une bonne image de soi et qu'on est content à peu près de ce qu'on fait, on se dit, bon, voilà, moi je peux me regarder dans la glace, comme on dit. Ça, c'est quelque chose de bien déjà. C'est ça, exactement. Il y a des gens, on ne sait pas comment ils font. après, voilà. C'est pas comment ils font dans leur vie. Très bien. Alors, ces morceaux-là. Alors, ces morceaux-là. Donc, on voit, c'est une suite. C'est une suite logique. Comment les idées sont venues pour écrire les morceaux? Alors, il y en a qui sont en français, d'autres qui sont en anglais. Oui. Donc, c'est la langue d'abord, c'est la consonance, c'est l'histoire, c'est. Alors, pourquoi français, pourquoi anglais? Parce que tout simplement, j'aime bien les deux. Ouais. Non, mais ça m'embête d'entendre beaucoup de groupes de rock, surtout français, bouder notre langue. Bon, c'est la langue. On a la chance de. Enfin, pratiquer la langue de Molière, mais enfin, pas à son niveau, bien sûr, mais non, on a quand même la chance d'avoir une langue magnifique. Et ce côté un petit peu dommage de je vais faire en anglais parce que c'est commercial, c'est ça qui va plus parler international. Attends, Coco, concentre-toi déjà à plaire aux gens dans localement, quoi, dans ton pays. Il y a des grands artistes qui ont réussi dans un pays, par exemple, je pense en France. Oui, il y a des exceptions. Ah, bien sûr. Voilà, aux États-Unis, on ne le connaît pas. Il n'a jamais fait une carrière internationale. Et pourtant, Johnny Hallyday. Ouais. Il y a d'autres groups, hein, je pense à plein de groupes dans d'autres pays. Ouais. Par exemple, les groupes portugais, souvent, sont très connus chez eux. C'est des méga groupes. Et à l'extérieur, ça marche pas du tout parce que la langue ne passe pas, voilà, tout simplement. Alors que l'anglais, ça a quand même cet avantage, c'est que tout le monde l'écoute. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une culture qu'on nous a mis dans la tête depuis. Il y a ça aussi. Voilà, on sent quand même que l'influence, de tout ce qu'on a écouté, hein, Led Zeppelin, Beatles, tout ça, c'est même les groupes un petit peu plus récents ou entre deux, hein, Judas Priest, Iron Maiden, tout ça, c'est l'anglais qui prime, donc. C'est aussi une belle langue, hein. Faut pas non plus bouder les autres langues. Pourquoi pas L'anglais, c'est vrai que c'est le côté un petit peu côté rock'n'roll, quoi. Oui, on dit un truc en anglais, ça passe tout de suite bien en français. Ça pas, mais après, le français, c'est peut-être une langue aussi beaucoup plus riche aussi. Elle est plus difficile à maîtriser, peut-être, parce qu'en anglais. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Une anecdote de Lennon, par exemple, hein, que le vin anglais, c'est comme le c'est comme le rock français. Hein, il y a des fois le français, ça passe mal dans le rock'n'roll. Mais j'avais envie de Ouais, j'étais déchiré entre les deux langues, on va dire. Mmh. J'avais envie des deux. Mais après, une dichotomie, mais bon, non. Il y a aussi des certains groupes, on parle par exemple, qui ont très bien réussi leur truc, et puis on les voit pas, même chanter en anglais, ça irait pas. Oui, oui, c'est des phones, Indochine, des choses comme ça. Bien sûr, ouais. Voilà, voilà, c'est des groupes, voilà, le français, c'est le français. Ça, Noir Désir, c'est vrai. Ouais, Noir Désir. Noir Désir, ils ont peut-être aussi fait quelques morceaux, quelques passages en anglais, mais enfin, c'est pas. Ouais, mais c'est à 90%. C'est le côté français qui voilà, c'est ça. Le groupe Trust, il y a des groupes comme ça. Et pourtant, ils ont réussi avec des styles qui n'étaient peut-être pas faits à l'origine pour la langue française. C'est vrai. Mais ils ont réussi à le faire passer. Ils sont sortis du lot. Ils sont sortis du lot. Et c'est une vraie richesse pour nous. Donc voilà, deux langues, c'est super bien. Donc le prochain album sera en espagnol, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, en géorgien. En géorgien. On fait des chants géorgiens. Très bien. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est une culture, ça. C'est... Moi, je vois par exemple même des groupes des pays de l'Est où ils chantent en russe. Où, des fois, nous, on dit, ouais, ça fait un peu bizarre. Mais je me dis, en même temps, c'est leur langue à eux. Donc voilà, quand ils font des concerts, ils se font comprendre. Nous, ça nous, c'est un petit peu étranger, les consonances et tout ça. Mais après, c'est une question d'habitude aussi. Hein. Après, ça a son charme, je veux dire. Oui. Par exemple, je sais pas, Mago de Oz, c'est un groupe espagnol. Espagnol, je crois. Ouais. Et c'est génial. J'adore écouter ça, quoi. Oui, c'est un sacré niveau. C'est un groupe. Avec le petit roulement de air, tu sais. C'est un groupe aussi à voir en concert. C'est vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ils vous mélangent la musique celtique, le rock. Oui, voilà. Et plein de choses différentes. Mago de Oz, il y a plein de. D'ailleurs, l'émission à Flore des Pieds, le mercredi soir, présentée par Christina, et c'est moi qui suis la technique, donc je sais qu'on passe du Magos Deos assez régulièrement. Donc c'est pour ça, si vous voulez écouter de la musique espagnole, tous les styles confondus. Hein. Musique moderne principalement, donc il peut y avoir du rock, du punk, du ska, il y a plein de choses en Espagne, et aussi tout ce qui est rythme latino, qui sont toujours à la mode, c'est sûr que ça fait partie de la culture espagnole. Très bien. Donc, on a parlé de plein de choses. Et donc, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui vient d'abord. Et tu cherches les mots après ou... Alors, par exemple, Résilience, je l'avais composé en 2014. Alors, c'est pour te dire, c'est resté très loin dans les placards, en fait. Le rythme, hein, parce que après j'ai mis le. Oui, je faisais plutôt la musique avant, et puis après, donc je proposais ça aux gars, puis ils ont complété admirablement bien, parce que j'ai la chance d'être entouré de super bons musiciens, je le dis encore. Hein. Donc c'est là qu'ils interviennent, et puis qu'ils. Voilà, c'est ça, et puis après. Leurs pattes. Je voulais partir sur la thématique de résilience, parce que ça me touchait, tout simplement, et puis j'avais un fil conducteur qui est venu assez naturellement, et. Voilà, petit à petit, on compose les textes et puis on pose ça là-dessus. Des fois, ça va pas, on revient. Puis, à force, ça se pose tout seul. Voilà. Maintenant, les morceaux sont enregistrés, ils sont sur un album, ils sont figés sur cet album, mais ils continuent d'évoluer. Quand vous les jouez, par exemple, sur scène, et des fois, il peut y avoir des petites différences, des nouveaux trucs que vous avez trouvés, que vous avez rajoutés, qui ne sont pas sur l'album, forcément. D'ailleurs, même pendant le studio, Antonin, tu peux en parler, tu as rajouté 2-3 trucs sympathiques. Il y a beaucoup de petits détails qui ont changé justement pour le studio. Déjà, pour comme c'était censé être une version figée finale, on s'est posé la question avant de ce qu'on voulait vraiment avoir sur cette version. Et donc des fois des petits détails qui n'étaient pas joués forcément comme avant, on s'est posé plus de questions. Et il y a des choses qu'on a rejouées après en live comme c'était sur le CD qu'on ne faisait pas avant. Et puis il y a des choses qui changent encore. Ça évolue toujours un petit peu. La musique est vivante. Hein. Mmh. On dit le live, c'est justement pour ça, parce que c'est vivant. C'est ça. C'est vivant. Ouais. Très bien, donc on a écouté déjà 2 morceaux. On en écoute un troisième et puis après vous allez commencer à sortir vos instruments peut-être parce que c'est plaisir. Vrai que le temps passe vite. On est déjà 1h42 qui est passé. Il nous en reste encore 1h20. Ouais. Hein, voilà, on a passé un petit peu le milieu de l'émission. On a plein de choses à écouter encore, plein de choses à découvrir de l'univers de Odéon. Et on va écouter donc le troisième morceau, Believe in Yourself. Faut croire en soi, ça c'est important. C'est parti. Look at the wolf in the eyes, confront its glare. Forget your unhappiness, destroy it. But when in doubt, you keep biting. Rock now! C'était donc le groupe Prisma avec Rock Now. Et si vous aimez ce groupe, ben vous pouvez le voir donc demain à partir de 20h. Ça sera au Drop Kick, voilà, à Orléans, donc le bar rock de la région orléanaise. Vous pourrez donc retrouver le groupe Prisma. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce que nous avons aussi un groupe ici ce soir qui va interpréter des morceaux en direct live. Alors ils sont prêts, ils ont tous pris leurs instruments. Ils sont quatre ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc il y a Arnaud, Alex, Baba et Antonin. Et ils vont nous interpréter un morceau. Vous êtes prêts là? Yes. Je baisse la petite musique de fond. Alors quel est le morceau que vous allez interpréter en direct de live? C'est une compo qui s'appelle Crème Polaire. Ok, donc c'est le premier morceau. On va essayer de régler tous les points de sommeil comme il faut. Bon, on arrive à se débrouiller à peu près bien à chaque fois. Mais yes. Donc le premier morceau, des fois il y a des petits couacs. Hein. En tout cas, on va corriger au fur et à mesure. Ok. À vous quand vous voulez. C'est parti. Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, c'est pas évident de jouer comme ça en direct live. On doit être les derniers au monde à faire ça dans l'émission Mavrika. Voilà, à l'ancienne, comme ça, avec des micros dans une pièce et les musiciens jouent en direct. Il n'y a pas de filet, il n'y a pas de, de vocodeur, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le son tel qu'il sort. Et c'est ça qui est formidable dans l'émission Mavrika. En tout cas, le morceau qu'on vient d'écouter était interprété vraiment en direct live. Et c'est le groupe Odeon, notre invité de cette émission numéro 510. Voilà. Vous êtes en place, vous voulez interpréter un deuxième ? Eh ben, les gars, vous vous sentez prêts ? Ouais. Prêts ? Eh ben, donc, une autre composition, celle-là qui est beaucoup plus ancienne, qui s'appelle Fictionnel. Ok. direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ici, on est à Fleury-les-Aubrais. Voilà, juste à 5 minutes d'Orléans. Et en direct live, nous avons le groupe Odeon qui ont interprété deux morceaux. Alors, le premier, c'était quoi le titre que je marque tout ça? Crème polaire. Crème polaire. Et le deuxième? Fictionnel. Fictionnel. Fictionnel. Tu aimes bien les mots, hein, on voit. Fictionnel. C'est vrai que c'est des mots qu'on n'entend pas régulièrement. Ah, oui, hein. C'est des choses, oui, qui... ça fait du bien un petit peu de les ressortir. Bon, j'invente rien. Hein. C'est en lisant, je trouve des mots qui m'intéressent. Et puis, j'essaie de les incorporer, c'est tout simplement. D'accord, bah c'est très bien. En tout cas, deux morceaux interprétés en direct live. On en garde pour tout à l'heure. Oui, d'accord. Il y a de la réserve. Donc, on va se remettre en configuration normale. Je vais vous laisser aussi allumer la lumière de votre studio parce que la nuit commence à tomber, on voit plus rien. Donc, mais bon, voilà, je voulais pas vous interrompre pendant les interprétations en direct live. Et pendant ce temps-là, le temps de revenir donc à la configuration normale, on va écouter un petit morceau. Et tout à l'heure, on avait parlé de plusieurs groupes. On avait écouté Prisma avec Rock Now. On avait aussi parlé d'un groupe qu'on aime beaucoup, hein, je suis sûr que vous les aimez aussi, c'est les Red Daff. Hein, ah bah les Red Daff, qui ont sorti un album, un album qui s'appelle Faune, et qui sont venus le présenter ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, comme c'est l'usage. Hein. Dès qu'il y a un nouvel album, les Red Daff sont là et on est toujours content de les voir. Il y a eu aussi deux concerts qui ont été faits au Caisson où ils nous présentaient le nouvel album, donc c'était deux soirées de suite. J'ai eu la chance de pouvoir assister à l'une d'entre elles. Et justement, on va écouter un morceau tiré de cet album Faune que j'aime bien, ils le savent, hein, parce qu'ils m'ont dit tiens, tu l'aimes bien ce morceau-là, parce que tu le passes à chaque fois. C'est Captain Watson. On écoute ? Yes. C'est parti. C'est toutes les mers du monde, je ne lâcherai jamais l'affaire. Je vous mettrai dans une tombe pour toutes vos pêches sanguinaires. Sur tous les océans du globe, rappelez-vous de Paul Watson. J'aime le contact, les bras de fer. Vous m'avez un déclaré sous terre. Avec mon armée et mon radeau, je pars sauver les animaux. Si j'ai peur au hasard, Captain Watson, un état en prison. Captain Watson, si j'ai peur au hasard, Captain Watson. Les gens sont fiers, c'est la seule façon de faire pour arrêter tous ces idiots qui assassinent les cachalots. Le Canada, l'Espagne, le Japon et Cuba veulent tous me voir en prison. L'Allemagne ira jusque l'extradition. À toutes les instances et Interpol, rappelez-vous de Paul Watson. Captain Watson. la justice sur cette terre. Je ferai barrière de mon harpon. Je n'ai pas peur de tes prisons. Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, cette petite musique qui nous dit qu'on revient pour discuter un petit peu. Donc je suis en train de retoucher un petit peu tous les potentiomètres que je vais dérégler pour pouvoir faire les lives, en sachant que j'ai pris quand même quelques petits repères. Donc tout à l'heure il y aura encore au moins un live, hein. On va essayer de faire ça comme ça, sachant qu'on a encore plusieurs morceaux à écouter, donc un voire deux lives peut-être. Et on a aussi écouté à l'instant donc le groupe Red Daff, un groupe que vous connaissez bien aussi. Oui, oui. Qui veut expliquer? On a joué plusieurs fois des événements où ils jouaient aussi, dernièrement aussi à Saint-Dié, vers pas loin de Chambord. Et oui, plusieurs fois, moi-même en dehors de, ce groupe-là, avec, avec un autre groupe, avec Bastien justement, qui est, on avait joué à plusieurs reprises. Alors, avant eux, on peut le citer, votre groupe d'ailleurs? Bah oui, il faut Nowhere in the Middle. D'accord. Bah, il va falloir aussi venir le présenter aussi dans l'émission là. Ah bah pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Voilà, très bien. Donc bon, la semaine prochaine, j'ai pas de groupe, hein, donc. bah tu vas revenir. Bon bah. Oui, bah. Non, sinon, on se cale à une date, il n'y a pas de souci. Je dis ça la semaine prochaine, mais bon, c'est pas. Bon, faut voir ça avec les autres aussi. Ou sinon, après, le 17, il n'y aura pas d'émission, hein, parce que là, il va y avoir un direct live qui va être fait avec Radio Arc-en-Ciel. Donc, c'est pendant mes heures d'émission, ou alors après, il faudrait que je fasse une émission le soir, beaucoup plus tard, mais on se dit, ouais. Bon, à la limite, il n'y aura pas d'émission le 17. Et après, donc, on verra, il y a encore quelques dates, hein, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure avec des artistes, mais il reste encore quelques dates de libre. Donc, si vous avez un groupe que vous avez envie de parler de ce groupe-là, de ce que vous faites, et vous avez de la musique à nous faire écouter, ben on est partant. Donc c'est le but de l'émission Mavrika. Hein. Voilà. Bah, pour en revenir au Red Dave, donc on a fait une super soirée l'autre fois. Donc chez d'ailleurs on peut peut-être remercier Christophe Charaudy, hein, à Saint-Dié, ouais. Qui organise beaucoup d'événements comme ça, de concerts, qui nous a accueillis plusieurs fois. D'ailleurs c'est lui qui nous a accueillis. Pour notre premier concert en juin 2019, et on avait commencé, on avait un set de 45 minutes, c'était les tout débuts, et on était trois, et Antonin est venu nous voir. Ah, c'est super ce que vous faites. Donc on lui a dit, bah viens, ramène ton matos et tout ça. Donc on a fait un deuxième set, bah le même, sauf que on l'a fait avec Antonin. Le premier set. On l'a fait à 3 et puis le deuxième à 4. D'accord. Bah. Voilà. Donc c'est tout ça pour remercier donc Christophe Charaudy. Oui, donc il y a eu les Red Dave, les Crazy Pig, des gars super sympas. Ouais. On leur dit bonjour aussi. Des crèmes. Il y avait Black Hole aussi. Black Holes. Je veux pas. Black Hole, ouais. Ouais, c'est ça. Donc pareil, des gars super sympas, c'est des anciens de Blaisance. Ouais. Ah, Blaisance, ouais. Ouais, que j'ai reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Oui. Donc Blaisance, j'entends plus parler. Est-ce que c'est Black Hole maintenant, c'est un peu. Très bien. Donc. Si je dis pas de bêtises, bah ils pourront confirmer par eux-mêmes si voilà, si avec Walter, c'était ça. Ouais, ça me revient. Ça, oui. Ouais. Mmh. Non, bah, on a rencontré quand même en à peine 3 ans. Pas mal de monde vraiment sympa, des crèmes quoi. On a eu de la chance. Bah, de la chance. C'est ça qui est bien aussi. On savoure. Moi, je vais quand même vous avouer une chose, c'est que depuis le temps que je reçois des musiciens ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, à chaque fois c'est un bonheur. Voilà. Il y a eu sur 510 émissions, il y en a eu 2-3 que où des fois il y avait des petits couacs, des choses comme ça. Mais la plupart du temps, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Voilà. Des fois, il y a eu des groupes qui sont passés, on ne les a jamais revus. Et d'autres reviennent régulièrement, donc il y en a même certains, c'est des potes, donc on est content de les voir. C'est ça, ouais. Donc c'est devenu comme ça. Donc et puis il faut le dire, hein, c'est une chance hein, quand même que tu nous donnes, ouais. parce que. Ah, mais c'est aussi une chance pour moi d'avoir autant de bons artistes. Voilà, ça me fait faire des bonnes émissions. Merci, et voilà, c'est, et voilà, c'est vrai qu'on a besoin les uns des autres. C'est et oui, moi, je suis pas ça. Musicien, j'adore la musique. Et mon plaisir, c'est d'aller au concert et aussi de recevoir des gens. Et puis, j'aime bien aussi le contact humain. Donc, bah voilà, ça permet de tout concilier et puis de rencontrer des gens super qu'on va retrouver après dans d'autres groupes, et etc. Donc, voilà, ça fait partie de l'histoire du rock'n'roll de la région voilà, au centre. Ça, ouais. Et puis, puisqu'on y est justement en parlant de radio, il me semble qu'aujourd'hui et hier, c'était la fête de la radio. Ouais. Donc, bah, il me semble que 2 c'est. 2 et 3 juin, je crois. Non, je veux pas dire de bêtises. Oui, l'année dernière, je crois que c'était pas les 70 ans, un truc comme ça. Et donc là, c'était le 71, mais enfin. D'accord. Ouais, je sais que c'est chaque année, là, le 2 et le 3 juin, il me semble que c'est la fête de la radio. Oui, oui, c'est vrai c'est que. Quand ça tombe une décennie, bon, c'est vrai. Ah non, c'était les 100 ans de la radio. Non, oui. Les 100 ans de la radio. Après, il y avait plusieurs choses. C'était 100 ans de la radio, les 30 ans de la. Il y avait plusieurs choses comme. Non, les 70, c'était la reine. Oui. Ouais, mais ça n'a rien à voir. En effet, c'était bien hier et aujourd'hui. Ah, c'est ça. Bon, bah écoute, bonne fête. Fête à tous les animateurs radio et à tous ceux qui font vivre la radio. Ça, c'est très important. Ouais. Donc, c'est la fête de Radio Arc-en-Ciel en même temps. Voilà. Très bien. Et on fait un petit coucou à tous les gens qui font la même chose que nous, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2-3 radios. Heureusement, on n'est pas tous les seuls. On a 2-3 radios aussi qui sont dans d'autres régions, des choses comme ça, mais qui permettent. Moi, je suis en contact avec des gens qui sont dans d'autres régions qui font à peu près la même chose que moi. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, heureusement, on n'est pas très nombreux dans la région arléanaise, et il y en a aussi ailleurs qui permettent de faire connaître des artistes qui ne sont pas forcément diffusés dans les radios périphériques. Voilà. Ben, on les encourage. On les encourage. Voilà. Donc coucou à tous les gens qui font vivre la musique, la vraie musique, quoi, avec des vrais troubadours. C'est ça. C'est vrai que c'est de là que ça vient. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en studio, des artistes qui n'ont jamais fait un concert, qui font des choses, ça, on les diffuse, c'est très bien fait tout ça, mais on aime bien quand même qu'il y ait des musiciens qui jouent en direct avec des vrais instruments, et ça me fait plaisir aussi. Voilà. Donc, les Red DAF, DAF. Red DAF. Alors DAF, c'est le nom de famille. Hein. On va commencer par Dom, qui est le bassiste, Antoine, qui est le guitariste, François, qui est le batteur, et Fabrice, qui est le chanteur. Voilà. Je me suis rappelé de tous les noms, ça c'est bien. Et Titi qui est au son aussi. Et Titi, oui, qui est le cinquième, qui est toujours au son. Et moi, la dernière fois où j'ai été, c'était une autre personne qui faisait le son, hein. C'était pas Titi. Ah. Mais franchement, et moi je trouve qu'il a une très bonne oreille. Et pour quelqu'un qui a jamais étudié vraiment le truc, il nous a toujours fait un superbe son là-haut dans le. Au caisson, voilà. Et ça, faut en parler avec Baba. Tu veux nous parler un petit peu de tes. Est-ce que tu veux faire justement là-dedans Oui, pourquoi pas. Hein. Vas-y. Donc moi, j'aimerais travailler dans l'événementiel, bien sûr. Et puis, bah, j'ai du coup rencontré maintes et maintes fois Titi et les Red DAF. Et puis, bah, l'autre fois, justement, chez Christophe Charody, j'ai eu l'occasion de pouvoir mixer les Crazy Pigs. Et bah, ça a été un vrai bonheur de travailler avec Titi. Mmh. Très bien, donc voilà. Alors, on a un batteur qui est génial, hein, tu vois, 16 ans, batteur incroyable. Je vais prendre la grosse tête. Puis voilà, ouais, bah, c'est. Non, believe in yourself. Yes, voilà. Exactement. C'est bien. Il c'est... a tout appris. Donc voilà, on a déjà découvert 3 morceaux. D'ailleurs, le dernier c'était Believe in Yourself. Là, on vient de parler des troubadours, donc la nuit des vagabonds. Donc il y a un petit. Oui, parce que donc Believe in Yourself, une fois qu'on a réussi à chasser tous ces mots, qu'on a fait notre résilience et qu'on croit en soi, eh bien on s'amuse. Et où est-ce qu'on s'amuse? Bon, oui. Eh bien, la musique. On s'amuse à la nuit des vagabonds, tout simplement. Mm-hmm. On est des vagabonds. En quelque sorte. Vagabonds modernes. Et bien c'est parti pour la nuit des vagabonds. Hey! manger. C'est bon, un bain de soleil. Je m'étale vraiment, j'écarte les orteils. Et puis doucement vient le sommeil. Il fait vraiment bon nu au soleil. J'écarte les orteils, et puis doucement vient le sommeil. Il fait vraiment bon nu au soleil. Donc on avait parlé d'eux tout à l'heure. Alors d'où que moi j'ai reçu le duo, mais c'est, en vérité c'est aussi un trio, puisqu'il y a Doudou, Brigitte, donc la chanteuse, mm-hmm. qui joue aussi de l'harmonica. Il y a aussi Claude qui fait la guitare et qui chante aussi un petit peu, on l'a entendu, Doudou, mm-hmm. tout ça, c'est ce truc-là. Et aussi Alexandre qui est à la percussion. D'accord. Voilà, donc c'est la famille. Hein. D'accord. Très bien, donc on vient d'écouter Duke, des gens charmants. D'ailleurs, ils sont toujours les bienvenus dans l'émission Mavrika. Dès qu'ils ont envie de venir partager un petit peu de leur temps ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Mavrika. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Ce que je propose, c'est que vous mettiez en position pour interpréter encore des morceaux en live. Un, deux. Ça marche. Oui, deux, si tu veux, ouais. Deux, ouais. On fait comme ça. Donc, pour l'instant, là, moi, j'ai passé un morceau. Vous vous mettez en position, il y aura deux lives et on garde le dernier morceau de l'album, donc pour la fin de cette émission. Alors la nuit des vagabonds, bah ouais, c'est au début j'ai écouté avec le rythme et tout ça, même la manière de chanter, et, peut-être un petit truc, il y a, on aurait dit un peu Indochine. Est-ce que c'est un est-ce qu'on vous l'a jamais dit Je sais que peut-être involontaire, hein, mais je sais effectivement. Ouais, ça... je vais pas le cacher, j'écoutais beaucoup Indochine. Alors mmh. Oui, peut-être inconsciemment, c'était. Ouais, parce qu'il y a le rythme, mais aussi les accords, le changement des accords par rapport au rythme et puis la chanson. Quoi, le riff de départ a été inventé par notre ancien batteur Jesse. Mm-hmm. Et puis moi, après, autour de ça, j'ai essayé de compléter. Et puis après, tout le monde a mis sa petite ligne, quoi, donc la ligne de basse, guitare solo, et puis voilà. Voilà. Bon, en tout cas, un superbe morceau, c'était bien de te le dire, et il nous reste un morceau à écouter après de l'album, c'est Feuille Noire, mais cette fois-ci, la version album, voilà. Pas celle qu'on a écouté tout à l'heure. La version propre. Alors, c'est la version en direct live, ouais. Voilà le petit côté bien sympathique qu'on aime bien aussi, mais là, on écoutera, donc c'est pour ça que on avait commencé par Feuille Noire, et on terminera par Feuille Noire. Magnifique. Voilà, donc ce que je propose, c'est qu'on écoute un autre artiste. Je suis en train de mettre le disque en même temps, parce que on fait tout comme ça hein, dans l'émission Eureka. Alors on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va chercher un petit CD de cet artiste-là, qu'on aime beaucoup, et d'ailleurs qui a évolué à une vitesse pas possible. C'est Mathis Poulain. Oui. Il est venu déjà dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Il y a eu un nouvel album que j'ai pas encore, qui va sûrement venir présenter un de ses jours aussi dans l'émission. Et là, pour l'instant, on va écouter la tirée de l'album Nouvelle Saison, un morceau que je passe assez souvent, qui s'appelle Ce Monde Parfait. Comme ça, ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir de passer cet artiste qu'on aime beaucoup. Et pour ceux qui connaissent pas, de le découvrir. Et juste après, donc, Odéon en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Mensonges et trahisons, tyrannie, oppression. Je fais bien sûr allusion à vos bobards et illusions. Expulser les étrangers alors qu'ils vous ont bien arrangé. À une époque pas si lointaine, vous les exploitiez par centaines. Nous voulons la paix, mais jamais vous ne la porterez. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir opprimés. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir offensés. Nous voulons la paix, nous voulons nous sentir protégés. Mais jamais vous n'apporterez ce monde parfait. Pas d'illusion. Mouvement politique, fasciste, antisémite et raciste. Mais peu importe l'origine qui est la nôtre, l'important c'est l'amour de l'autre. Odessa et FN, il n'inspire que la haine, véritable gangrène, tous les mêmes. Nous voulons la paix, mais jamais vous ne la porterez. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir opprimés. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir offensés. Nous voulons la paix, véritable égalité. Mais jamais vous n'apporterez ce monde parfait. Mensonges et trahisons, tyrannie, oppression. Voici la véritable facette de votre programme qui n'a ni queue ni tête. Nous voulons la paix, mais jamais vous ne la porterez. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir opprimés. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir offensés. Nous voulons la paix, véritable égalité. Jamais vous n'apporterez, non, ce monde parfait. Et voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel en direct live. Donc, cette émission 510 est consacrée au groupe Odéon. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'émission Eureka. 12 ans qu'on vous fait découvrir des artistes de la région et d'ailleurs dans l'émission, et avec souvent des directs live. Et ça sera le cas justement dans quelques secondes avec deux morceaux, trois. Déjà deux. Deux. Ouais. Donc le premier morceau s'appelle comment? Bah, on va faire un petit peu de reprise. Donc About a Girl de Nirvana. Ouais, d'accord. Et après? Et après on va faire Lonely Boy de The Black Keys. Ok, d'accord. Voilà. L'antenne est à vous, c'est quand vous voulez. Ça marche. Superbe reprise, franchement, on s'y croirait, hein. On dirait pratiquement que j'ai la chance d'avoir Nirvana, non? C'est Odeon ce soir dans l'émission Maurica avec une reprise de Nirvana qui s'appelle About a Girl. About a Girl, voilà. Superbe morceau, voilà, une des références hein, au niveau des lives acoustiques, c'est vrai, c'est resté un standard ce morceau-là. Donc maintenant, le deuxième morceau, hein, pour l'instant, avant les rappels. Une reprise donc des Black Keys, donc Lonely Boy. Thank you. keep me waiting, waiting, waiting. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. Hey! La dernière note en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Odeon pour l'émission numéro 510. Voilà. Donc deux morceaux, vous êtes en position. Est-ce que vous avez envie d'interpréter un troisième? Ouais, on pourrait faire un autre. Kiss the Goat, les gars. The Ghost. C'est plus pratique. Bon, on simplifie, on essaye. Allez, on tente. Allez. S'il y a des couacs, tant pis. Ouais, non, l'important c'est d'être en direct live, de partager un moment comme ça, c'est un moment unique, ouais. Et ça sera enregistré pour l'éternité. Ouais, c'est parti. C'est parti. Kiss, kiss, kiss. Bravo, superbe morceau. Bah, ça s'est super bien passé, hein. Voilà. Ça va, ça super. Passe. Ouais. Voilà, donc Odeon en live dans l'émission Mavrika. Ça a été cinq morceaux, hein, cinq morceaux dans l'émission. Voilà, on arrive bientôt à la fin. On va encore poser quelques questions parce qu'on arrive à l'heure où on va quand même parler des projets. Quels sont les projets du groupe Odeon? Est-ce qu'il y a encore des concerts? Est-ce ah, que oui, oui, oui, on a oui, encore oui. quelques voilà. concerts. Donc la fête de la musique, ce sera à Avaray. Alors eux, ils font ça le 1er juillet. Alors j'ai pas toutes les dates en tête. On va à Mône le 8 ou 9 juillet. Le 9 juillet. D'ailleurs, Mône, à chaque fois qu'on y a été, c'était le fun. On a fait deux concerts là-bas, un chaque année en fait. Et à chaque fois, on a joué... 3 heures. Les gens, ils étaient fous. Enfin, c'est génial quoi. Quand il y a une ambiance comme ça, c'est vraiment le pied. Donc Mone. Et ensuite, on a aussi. Ah oui, on a Blois. On a Blois au Café Pop. Le 16 juillet. J'ai pas toutes les dates. Ouais. Et bon, peut-être d'autres à venir à Saint-Laurent. On sait pas encore. C'est en cours de. C'est en train de se déploiement. Faire. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Donc pour être justement au courant de toutes les dates de concert, il y a un Facebook. On a un Facebook, le Facebook du groupe Odeon, oui. Mmh. Où ouais. dedans il y a, vous publiez page, régulièrement. Oui, on essaye de mettre du contenu. Bon, il y avait une chaîne YouTube, malheureusement on l'a arrêtée. Mais bon, il y a toujours les contenus. Si oui, il y a toujours les même si y a, ça date y a un les petit lives, peu. Il y a quelques maquettes qu'on a fait, les reprises, etc. Donc, si ça intéresse des gens, c'est toujours disponible sur YouTube. Odeon, pareil. Donc, ouais, voilà. Et sinon, donc là, on a parlé de pas mal de choses. On a découvert votre univers pour ceux qui connaissaient pas encore. Et là, vous nous avez annoncé quand même dans le courant de l'émission que le groupe finalement, il allait. Cesser à partir de, oui, de la rentrée, c'est ça? Oui, quasiment la rentrée, même au mois d'août, on se doit de s'arrêter là. Ouais. Voilà. Donc, en très bon terme, hein, y a aucun problème. Oui. C'est pour des raisons professionnelles. Voilà, c'est ça. Et non, c'était vraiment un parcours enrichissant pour chacun, je pense. On a grandi, on s'est enrichi de chacun d'entre nous, quoi, tout simplement. Et donc, justement, est-ce que le groupe Odeon disparaît complètement ou est-ce qu'il pourrait être repris avec d'autres membres? Est-ce que c'est une question que vous avez peut-être déjà pensé? C'est une question qui s'envisage exactement, mais ça, c'est que des périodes qui se réfléchissent. Oui, on va donc réfléchir on à ça. C'est encore. Donc vous nous tenez au courant, fait. Voilà. Oui, sinon, bien sûr. Toujours, je pense que vous êtes né musicien, vous serez toujours musicien, donc oui. Même si le groupe se dispatch, il y aura forcément. On vous retrouvera dans d'autres groupes, peut-être d'autres formations, et c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me recontacter pour revenir avec d'autres formations. Et en attendant, bon, on n'oublie pas non plus ton autre formation. Donc, ah bah oui, Baba. Les Nowhere in the Middle. Exactement. Nowhere in the Middle. Bah, okay. On a une date de prévue normalement le 21 juin à Chambord pour la fête de la musique. D'accord, carrément à Chambord. Oui. Voilà, le château ouais, le château de Chambord. Ça se passe où? C'est dans le parc? Dans le parc, oui. Dans le parc et dans l'enceinte du château. Non, c'est plusieurs... petit bout de scène où tout le monde peut venir jouer comme il veut. Enfin, avant c'était ça. Maintenant il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum d'organisation. Sinon après. Donc après il faut aussi partager la scène parce qu'il y en a certains qui rentrent, ils s'incrusent peut-être et qui laissent pas les autres après venir. Donc Non, parce que c'est une grosse organisation quand même. Ça, ouais. C'est mois à l'avance. Donc il y a des groupes qui sont sélectionnés. On a eu cette chance-là du coup. Et surtout le parc, il y a des endroits définis et puis du coup, arrivé là-bas, on aura un endroit défini pour chaque groupe. D'accord. D'autres événements, d'autres concerts que vous avez pu voir dernièrement ou des concerts que vous n'allez pas rater dans les jours suivants, là, les jours qui viennent? Là, en tête, j'en ai pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vont au Festicolor? Je sais pas. Avec ce week-end. Bon, après, voilà, c'est pas la même tasse de thé, mais... Il y a Ouais, disons que actuellement il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Pendant deux ans, on a été vraiment malheureux. Et là, on a envie peut-être un petit peu d'organiser de nouvelles choses. Donc, il y a plein de choses. Alors, moi, j'invite les gens à aller sur une page. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la page L'agenda de Mavrika. C'est une page sur laquelle je partage tous les éléments. Dès qu'on m'invite, hop, je le partage là-dessus. Comme ça, ça nous fait un petit récapitulatif de tout ce qui se passe dans la région. Alors, cette page-là, malheureusement, je l'ai laissé tomber au moment du Covid parce que j'arrive plus à partager les choses dedans. Alors, allez comprendre pourquoi. Je pouvais et tout d'un coup, je peux plus. Je peux toujours partager sur d'autres pages que j'ai, mais pas sur celle-là. Donc, voilà. D'accord. Donc, j'en ai créé une nouvelle, tout simplement. Voilà, le nouvel agenda de Mavrika. Donc, c'est la nouvelle page où vous pouvez retrouver justement tous les événements depuis justement la reprise. Donc on va dire ça comme ça, à partir de maintenant il y aura tous les événements auxquels on m'invite. Donc n'hésitez pas à m'inviter, même si je ne suis pas là, je partagerai et ça permettra à d'autres personnes d'être au courant et puis d'aller justement à tous les événements. Ça, c'est d'accord. Important. Okay, très bien. Voilà, donc et puis cette page là c'est moi qui l'alimente la plupart du temps, mais si vous êtes musicien, si vous êtes organisateur, vous avez envie de l'alimenter vous aussi avec des événements, n'hésitez pas à le faire. Moi, je j'ai un regard dessus, c'est-à-dire si ça n'a rien à voir avec le truc, si c'est quelqu'un qui vend des lunettes ou des machins comme ça, je l'enlèverai, forcément. Mais si c'est vraiment des organisateurs qui nous parlent d'un concert à droite ou à gauche, je le laisserai parce que c'est tout à fait le but de cette page-là. D'accord. Voilà. D'accord. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez envie de passer un message particulier à certaines personnes ou aux auditeurs en général? On a fait des bonjours. À qui on pourrait dire bonjour? On peut remercier peut-être... ça fait longtemps, mais lui faire un petit clin d'œil. Chris des 41 Rock, qui nous a dépanné sur un concert. On est content d'avoir fait la première partie de Neo Geo Fanatic. Donc, c'est aussi un sacré artiste, ce monsieur-là. les Skawax aussi, que tu connais bien, Antonin. Les Skawax, ça c'est un groupe que je diffuse déjà depuis pas mal de temps et je les ai jamais reçus. Et pourtant, moi j'ai déjà. Ils sont beaucoup. Oui, mais ça à la limite on peut faire aussi. Bon, s'ils sont trop, deux ou trois peuvent venir représenter le groupe, quitte à faire tourner. Six mois après, c'est trois autres et puis voilà, on arrive à faire passer tout le monde. C'est pas le souci. C'est qu'effectivement, moi je diffuse des morceaux. D'ailleurs, j'ai des artistes qui sont partis. Font partie de mes amis on échange et à chaque fois que je passe un morceau de Skawax, ils me remercient toujours, mais ils sont jamais venus dans les studios, donc moi je les invite à venir aussi un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler justement de ce groupe qui est super, qui envoie de la patate comme c'est pas possible. Sur scène c'est vraiment des monstres, c'est des bêtes de scène. J'ai eu l'occasion de les voir au moins trois reprises. D'accord. Très bien, donc c'est bien de parler de ces groupes là Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ils me connaissent pas, mais je regarde souvent leur concert en live. Un bonjour au groupe Caps, un groupe qui fait pas beaucoup de concerts devant des gens, mais ils font beaucoup de live sur Facebook et puis YouTube, et c'est assez intéressant. Caps, ouais. Très bien. Caps, Je découvre à aussi. Découvrir aussi. Ouais, voilà. Tu peux les retrouver sur Facebook et puis YouTube aussi. J'aime bien. C'est que de la composition en plus, c'est assez original, j'aime bien. À découvrir. Voilà. Les gars, je sais pas après. Parce que je monopolise le micro depuis le début. Allez-y, l'émission. Vous avez un micro chacun. Allez-y, les gars, si vous avez des remerciements à faire. Moi j'en ai un. Les personnes qui nous ont fait jouer. Merci à Jessie aussi. Oui, quand t'étais pas là, on l'a remercié. Moi j'ai un merci à vous dire à tous les trois déjà. Ouais, merci à toi de nous avoir dépanné, c'est cool. Et puis voilà. Non, ça reste une belle expérience et puis des bons souvenirs. Quoi. Voilà, c'est des moments que vous avez partagés qu'on ne pourra plus vous les enlever. Vous l'avez fait. On s'était fixé des objectifs et puis on les a accomplis. Quoi. C'était surtout c'était surtout le P quoi, qui nous intéressait. Donc voilà, très très content. Satisfait. Oui. Et puis merci à toi. Merci à vous en tout cas, c'est toujours un plaisir. Et puis vous revenez avec vos prochains projets, il n'y a aucun souci. Vous êtes toujours les bienvenus dans l'émission, même si un jour je reçois un groupe et vous avez envie de passer pour les voir, n'hésitez pas à passer dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Est-ce que vous connaissez Alexandre Le Bail? C'est mon dernier invité que j'ai eu dans l'émission. D'accord. Donc c'est un artiste, vous allez me dire à qui vous fait penser sa voix et sa manière de chanter. On va voir. On va voir si oui, il y a une petite ressemblance. Qui, oui, qui fait penser. On va écouter, puis après on se retrouve à nouveau pour dire au revoir dans l'émission et puis diffuser le dernier morceau de l'album aussi. Ça marche. J'avais un rêve, jamais je n'ai osé, de peur qu'on me relève après m'être effondré. C'était Alex Le Bail, donc une grande rencontre ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je suis sûr que, bon, il est venu une première fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission, et je suis sûr, quelque chose me dit qu'il reviendra. En tout cas, alors ça vous a fait penser à qui? Alors, une piste. Deux pistes. Quasiment tout le morceau, ça m'a fait penser à Nicolas Sirkis. Tout à fait, oui. Et puis au début du morceau, il avait la voix d'un mec des Trios. D'accord. Au début du morceau. Ok, ça, oui, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que effectivement, il apprécie beaucoup. C'est peut-être pas fait exprès, mais bon, il a une voix qui s'approche de celle de Nicolas Sirkis. Mmh. La manière de chanter même, hein, on voit bien la modulation et tout ça. D'accord. Donc assez dans les graves, il monte un peu dans les aigus, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que ça nous fait penser à Indochine, ce qui est pas mal. Hein, c'est vrai que. Et il l'admet tout à fait, hein, donc ça fait partie de ses références. En tout cas, Alexandre Le Bail, il sera en concert dans quelques temps à Chingy, je sais pas si c'est la Baroque Pizza ou à la discothèque en dessous, en tout cas c'est dans le coin. Bon, la date exacte, j'ai pas internet ce soir, donc je pourrais pas vous le dire, mais renseignez-vous, c'est l'occasion d'aller le rencontrer, c'est quelqu'un de très gentil. On arrive à la fin de cette émission et on va dire les phrases magiques. Alors la première, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. Yes. La deuxième, c'est everything is gonna be alright. Yes. Et la troisième, c'est une vie sans musique serait une erreur, ce qui est tout à fait ouais. Hein. On pourrait pas s'en passer de la musique. Voilà ce qu'on va faire. On va rendre l'antenne. On va écouter le dernier morceau. C'est Irène qui nous fait un petit coucou à la fin de l'émission. Un petit coucou Irène, un gros bisou. Bonsoir, encore une fois. Irène, oui. Et puis à la prochaine émission, donc la semaine prochaine à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et sur radio-arc-en-ciel.fr. Qu'est-ce que j'allais dire? Je crois que j'ai tout dit. Je think it's gonna be alright, les phrases magiques. Ah oui, le dernier morceau qu'on va écouter, donc, qui fait partie de votre album qui s'appelle Résilience, un album EP qui a 5 morceaux, et c'est justement le dernier, et on l'a déjà écouté en début d'émission, mais cette fois-ci, j'ai hâte d'écouter la version finale. Feuille noire, qu'on écoute tout de suite. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être passé dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On garde le contact, vous savez où ça se passe. Donc si vous oubliez l'adresse, je vous la renvoie, il n'y a pas de problème. En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus et c'est l'émission pour des artistes de la région. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font l'effort de venir de très loin même pour cette émission. Tout à l'heure encore, j'écoutais en même temps notre ami Hervé Deroff. Et c'est vrai que c'est une personne que j'avais rencontrée lors d'un concert. Je l'avais invité dans mon émission, mais je ne savais pas qu'il venait de Brest. Et finalement, il a fait l'effort de venir déjà plusieurs reprises de Brest pour l'émission Mavrika. Donc ça fait partie des artistes qui viennent de très loin, qui sont prêts à faire beaucoup de kilomètres pour l'émission Mavrika. Et puis il y en a d'autres qui sont venus d'ailleurs. Bah, Alex. Hein. Alex. Mmh. Ouais, oui. On a perdu. Ah ouais. Brest, Tours, on a perdu. Ah oui. C'est vrai que Tours, Blois, il y en a beaucoup. Bourges, voilà, Gien. Bon, c'est Paris, il y en a pas mal aussi. Hein. C'est vrai qu'ils sont prêts à faire des kilomètres pour venir. Bon, c'est plus difficile de quitter Paris que le reste du voyage. Hein. Souvent, c'est ça. Parce qu'après, sur la route, ça va tout seul. Hein. Mais bon, en tout cas, on est ravis de savoir que beaucoup d'artistes sont intéressés par l'émission Mavrika. Et on a même eu un groupe qui s'appelle Question Mark, qui est venu deux fois de Belgique aussi. Et on a aussi fait des interviews alors en espagnol avec un groupe qui s'appelait Camping Gaz, qui était à Valladolid, et on a fait une interview par téléphone et puis on avait diffusé leurs morceaux. Donc voilà, on s'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc si des Américains, des Japonais, des Australiens veulent venir dans l'émission Mavrika, faut viser l'international. Bah oui, tout à fait. Faut voir grand dans la vie. C'est très très bien. Voilà un petit mot sur la dernière morceau. Pour conclure, donc la résilience, une fois qu'elle a été faite, qu'on en a été épanoui, eh bien il faut le communiquer. Donc Feuille noire, c'est une musique qui parle donc du besoin de communiquer, quelque chose qu'on manque beaucoup à notre époque en plus. Il y a beaucoup de sophisme en fait, c'est-à-dire que on veut pas écouter les autres. Enfin, certaines personnes, il y a un manque de communication qui se fait, et je pense que voilà, une résilience quand elle a été traversée par quelqu'un, c'est comme si quelqu'un avait traversé le désert, c'est bien d'en faire part. Il y a des petites astuces à avoir, quelque chose pour pas tomber dans les mêmes pièges, pas tomber dans la même souffrance. Et même pour les gens qui ont traversé un truc, le fait d'en parler, c'est quelque chose aussi qui aide, ça fait du bien aussi. Voilà. Donc la communication pour finir sur cet album. Merci beaucoup en tout cas le groupe Odeon dans l'émission Mavrika. Et bonne route à vous tous. Et puis merci. Continuez comme ça à nous faire rêver avec de la très bonne musique. En tout cas, il y a cet album qui est sorti. Cet album, on peut se le procurer où? Sur notre page Facebook. Faut pas hésiter à venir nous parler. Et puis, en concert aussi, bien sûr. En concert, hein, on a les CD, donc on le vend. Notre trésorier va nous le dire. Enfin. 5 euros, c'est donné ça. C'est donné. C'est un gros par titre. Oui, c'est sûr qu'on pourrait au boulot, tout ça, l'édition, tout ça. Mais voilà, c'est la musique qui doit vivre avant tout. Le plaisir de le faire. Voilà, le plaisir de le faire. Voilà, cette émission numéro 510 est terminée. Merci à vous qui vous êtes déplacés. Et puis à très bientôt, on garde le contact. Avec Allez, plaisir. Salut. Ciao. Salut. Merci. Claro que a Ucrânia receia que se desminar as águas, a Rússia irá aproveitar para invadir a região também pelo mar. E aos 101 dias da invasão russa da Ucrânia, o comentador José Milhazes assinala três momentos neste conflito. O primeiro momento a destacar é a resistência que os ucranianos fizeram face à invasão russa. Esperava-se que os ucranianos resistissem, mas da forma como o fizeram, é, claro, uma grande surpresa. É também de referir que caiu por terra o mito sobre o grande poder das Forças Armadas Russas. Mostraram estar muito aquém daquilo que os seus dirigentes diziam ser, a Rússia continua a perder muito tempo, e também é importante, ao fim de três meses, constatar que Putin falhou em praticamente todos aqueles objetivos que